Cadeau, je suis pas à l'abri d'abandonner au dernier moment. Ouais. Quand t'as peur, tu peux pas te contrôler. Mais en fait, vous rendez pas compte. Mais non, mais c'est si. Plus fort que toi. Ton corps, mais il veut non. pas y aller. Tu te sens mal. C'est un vrai défi, quoi. Parfois, c'est difficile. Et il faut et faire violence. En fait, l'avantage du saut en parachute, c'est que, en plus, c'est pas toi qui décides de sauter, parce que t'es les pieds dans le vide déjà au bord de l'avion, et c'est le type qui saute avec toi. Oui, et en fait, en réalité, t'as vraiment une grosse montée d'adrénaline de 2 secondes, et après, ton corps, il s'habitue très vite. Et la chute libre et la descente après avec le parachute, parce qu'il faut l'ouvrir hein, quand même. Petit tips aussi. Ouais. C'est vraiment cool, hein. Paysage époustouflant quoi. Ouais. Mais en tout cas, le plan d'Adrien qu'on vient d'avoir au téléphone, là je suis dessus là. Ouais. Le viaduc de la Souleuvre, là j'ai très envie d'y aller. Hein. C'est beau. Ah, c'est sublime. Et il y a plein de trucs, soit élastique, balançoire géante, tyrolienne géante. Tout est géant là-bas de toute façon. Adrien, 11 ans, est avec nous. Ça va, Adri? Ouais, salut, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! Hey Adrien, 11 ans, c'est les vacances! Ouais. Nickel, tu peux rester toute la nuit sur Fun Radio, du coup t'en as rien à foutre? Pas besoin de te lever? Ouais, mais c'est surtout que je suis un peu crevée parce que là je viens de passer en 6ème et. Ah ouais, la 6ème c'est. Gros rythme! Ah, tu sens là que ça s'est intensifié là? Ouais, bah avant je me réveillais à 7h30, je me réveille à 6h30 maintenant donc. Ben ah. Oui. Ah, 6h30 c'est tôt. Ah, c'est trop tôt, dors. On n'y va pas. Et qu'est-ce que t'as fait de sensationnel? T'en raconte-nous, Adrien. En fait, je suis allée à Las Vegas 2 semaines pendant à Noël et tu sais, il y a des sauts à l'élastique. Oui. Et moi j'étais trop léger pour le faire tout seul, du coup on m'a dit bah fais-le avec quelqu'un d'autre plus lourd et je l'ai fait avec mon frère de 19 ans. Sauf que quand on a sauté, bah les têtes elles ont un petit peu cogné et voilà. Ah ouais. À par terre? Non, entre elles. C'est-à-dire qu'ils ont sauté. Voilà. En fait, il est trop léger, donc il saute avec son frangin et au moment du saut, les têtes elles se cognent. Ça fait mal ça. Moi aussi j'avais compris au sol. Bah les gars, bah non, bah il serait dans un sale état. Ben non, mais attends, il y a si des gens qui se remettent très bien d'un trauma crânien. Mais là, quand même. Oui. Et là, il y a Gérard de la technique qui a dit bon, on est peut-être un peu large en câble. On va peut-être couper. Ah ouais, mais Adrien, du coup, t'as pas du tout profité de ce saut. Bah si, en fait, je connais qu'une fois et puis ça a pas fait très mal. Mais en vrai, c'était cool quoi, parce que t'es en haut de Las Vegas, tu vois tous les tours. Bah, excuse. Mais du coup, vous allez repartir là? C'est quoi le prochain voyage que vous faites en famille? On sait pas encore. Parce que tu vois, c'était pour les 20 ans de nos frères, donc voilà. Ouais, bah, c'est les 20 ans de nos frères. Bah, dis donc, c'est les 20 ans de mariage de nos parents. Ah, bah non. Rien à voir. Ah, mais c'est sympa de faire partie de leur famille. Ils sont des beaux cadeaux, ouais. Ouais. Et là, pendant les vacances, bah, celles-ci, là, les actuelles, est-ce que tu vas bouger un peu? Qu'est-ce que t'as prévu? Là, je suis chez mon grand-père et ma grand-mère, comme d'hab, quoi. Enfin, on fait généralement des petites activités, du genre piscine, pêche, etc. Non, mais c'est très bien. Pied chez papy et mamie, on se baffre. Ils disent jamais rien, on peut manger tout ce qu'on veut. Ouais, c'est génial. Eh ben, Adrien, profite bien de ces vacances. Et puis, nous, on sera là tous les soirs. Tu nous écoutes, hein? Ouais, tout le temps. C'est un peu tôt, parce que moi je me couche à 21h, du coup je ne peux pas vous écouter qu'une fois. Heureusement il y a le Vinton après, mais c'est pas tout le temps trop pour mon âge. Ah, c'est ça. Ça parle un peu sexe, eh oui. Mais bon, et tu écoutes sous la couette, t'écoutes d'une oreille, tu vois. Genre, tu te bouches l'autre oreille et puis ça passe. Ok, ça tombe. Non, mais à chaque fois qu'elle arrive, j'éteins la radio, ma mère, donc. Quand je vous écoute, j'éteins pas la radio, mais sinon, ouais. Ouais. Bon, on va demander tout à l'heure à Love In Fun de quoi ils vont parler ce soir, comme ça tu pourras savoir si oui ou non tu peux écouter ou si c'est trop sexe. D'accord. Ok. Vraiment, vous êtes génial. Continuez comme ça. Moi, je vous écoute tous les soirs et continuez comme ça. Eh bien, nous aussi, nous allons t'écouter chaque soir. Bisous, Adrien. On t'embrasse. C'est un bon quand même. Ouais. Bisous. Ouais. On va clôturer avec le hashtag de Night Show. Il y a des réactions sur Facebook aussi, Anso. Aurélie. Je ne m'appelle pas Anso encore. Elodie, juste, elle dit j'ai hurlé tellement fort dans la tour de la terreur qu'à la fin de l'attraction, une dizaine d'employés de Disney sont venus me voir avec un rouleau de sopalin au cas où j'avais vomi. Ah ouais. Ils m'ont proposé de les rappeler plus tard en cas de séquelles. J'étais morte de rire car ils étaient tous grimés en groom, version Halloween Frankenstein. Ouais, c'est une attraction de Disney pour ceux qui l'ignorent et c'est vrai que ça fait peur. Vas-y Pablo. Bah là cette fois c'est Aurélie et c'est à Europa Park en Allemagne. Elle a fait le Silver Star et les montagnes russes les plus hautes d'Europe. Non mais j'ai trop envie d'y aller. Hein. Ah si, je l'ai fait moi déjà ça. Moi j'ai jamais fait ce parc. Et ça part aussi vite qu'une Formule 1 en fait. C'est une attraction Mercedes et ça part aussi vite. Bon, qu'autre chose? Ouais, Romuald lui avec ses potes lui ont offert un tour de circuit en voiture de sport. Et puis Clélia dans 3 mois elle a 30 ans et elle va faire son premier baptême de l'air en hélico. Génial. Ouais. Ouais. Kiffe bien parce que ça, c'est un beau cadeau. Franchement, moi, j'ai adoré. On en a fait ce week-end et ça restera un très beau souvenir. À jamais gravé dans nos mémoires. Il va être 22h, du coup, on va les accueillir. On va leur demander, du coup, pour le petit Adrien, 11 ans. Bonsoir, l'équipe de Love in Fun. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. On vous explique, on a eu Adrien qui nous a dit ouais, machin, votre émission est un peu tôt. Heureusement, il y a Love in Fun après, mais je peux pas toujours écouter parce que c'est pas de mon âge. Alors, on a promis de vous demander, est-ce que ce soir, on parle cucu ou on parle cul-soft? Ah, mais nous, notre émission est tout public. Voilà, je sais pas quoi te dire d'autre, mis à part que tout le monde peut l'écouter, de 7 à 77 ans. Mais oui, mais même à 11 ans, en plus on apprend plein de choses. Oui, on absolument. Parle pas cul, mais sexualité, c'est différent. C'est vrai, ça, c'est et vrai. En plus on a Doc, qui est un sage parmi les sages. pourquoi tu ris, Pablo? Parce que ça ne se lit pas comme ça tout de suite sur sa tête. Ah bon? Je sens la malice. Ah oui. Ouais, oui, mais avec la sagesse. Oui. Eh ben voilà, Adrien, tu peux écouter sans aucun problème, oui Flo. J'ai vu Doc à la télé ce week-end. Ah bon? Oui, dans un zapping, je l'ai trouvé très beau. Ah oui? Il passe très bien. Mais alors, on passe à la télé, dis. Oui, magazine de la santé. Ah oui, l'autre. Il passe bien. Bon, il fait sa petite star. L'humilité surtout. Oui, l'humilité, voilà. C'est ce qu'il représente. Caractérise. Eh ben, on va vous écouter ce soir jusqu'à minuit. Restez bien là. Nous, on sera de retour demain en direct. Grosse semaine. Il va falloir nous écouter et on vous prépare plein d'émissions. La spéciale Halloween, la spéciale Paris Games Week et la chaîne YouTube. C'est toujours Marion et Enzo. Bonne soirée. Bisous. Au revoir. Merci beaucoup. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karen, Alice et Doc Pavageau. Ah, tout à fait, bonsoir à tous, c'est nous trois, hein. Oui, je vois Doc qui s'installe, je vois Alice, moi c'est Karel, on est très content de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et là, ce qu'il y a de fort, c'est que demain c'est les vacances. Là, tu te dis, putain ça y est, demain normalement je devais aller bosser, bah non. Non, demain, pour pas mal d'entre vous, ça va être la bonne grasse mat, vous allez pouvoir profiter. Et on a aussi une pensée pour tous ceux qui n'auront pas de grasse mat demain matin. Hein, mais qui se réveilleront avec Bruno dans la radio, bien sûr. On est très content d'être avec vous. J'espère que vous allez tous bien. C'est encore le week-end. Profitez bien. Vous allez pouvoir nous appeler. C'est Love in Fun, hein, qui démarre. C'est votre émission. On fait de la libre antenne. Vous pouvez venir ici comme vous êtes avec vos questions. Ici, on essaie toujours d'y répondre avec la présence de Doc, qui est un médecin. T'as passé un bon week-end, Doc? Oui, très très. En famille, à Toulouse, je suis allé voir ma très chère maman. Ah bah voilà, et t'en as profité pour envoyer une petite photo à Alice, pour qu'on la poste. C'est quoi cette petite photo? Bah c'est une petite photo de Doc, ouais. Après un beau repas. D'ailleurs j'ai essayé de regarder sur l'addition combien avait coûté le repas. C'est plutôt ça va, je crois que ça a été soft, aux alentours de 50€ pour deux personnes. Donc voilà. Ah bah voilà, d'ailleurs l'occasion pour moi de te rappeler, Doc, que tu nous avais promis un restaurant. Tout à fait, mais il faudrait qu'on trouve le temps d'y aller. Ah oui, non mais loin de moi l'idée de te relancer. C'est là et je sais vraiment quel restaurant. C'est pas simple avec eux, mais on va y arriver. D'accord. Ah ouais, parce que c'est un restaurant genre avec des horaires un peu particuliers. Ouais, mais avec des étoiles ou pas? Non, pas encore. Ah bon, il va falloir qu'on bosse encore plus dur. Alors, ça va Alice? Bah oui, ça va très bien. Je suis justement en train de vous poster la petite photo du week-end de Doc sur l'Instagram de Love in Fun. Donc connectez-vous et vous la verrez. C'est le beau Doc. C'était Place du Capitole. Ah bah évidemment. Voilà. Oh monsieur. Et alors, toi t'as fait quoi ce week-end Alice? Moi je suis rentrée dans les coins de Metz. Franchement, il faisait super beau, super sympa. J'ai kiffé. Voilà, les potes, la famille, les chats. Super. Un bon petit week-end. Exactement. Moi je suis allée au Paris Manga. Bah oui, c'est vrai. Ah ouais, franchement c'était trop cool. Tu devais être comme un ouf toi là. Ah bah Japanimation quoi. Ah bah oui. Ah, et figurines Dragon Ball et tout. J'ai trop kiffé. Et toi, ton fils aussi? Ah bah mon fils, encore pire. Il m'a coûté un bras. mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et ça va Kassim, ouais, toi? Très bien. Moi je suis allé à Lyon. Ah. Ouais. On dirait que ça t'enchante. Hein. Ouais, non, si c'était bien. Pour le Pax de ma cousine, c'était marrant. On a bu, on a mangé, c'était bien. Ah, t'as bu toi? Ouais, je bois un peu plus maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais avec modération. Hein. Bien sûr. C'est une bière, c'est Kassim. Attention. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Kassim. Eh oui. Hein, tu le répètes. Hein. Ouais. Je rappelle que Kassim, c'est Sam depuis des années, mais de moins en moins. Ah non, mais c'est vrai. Coco du Standard et puis Méloche, ça va les amis? Stop. Moi, j'ai geeké ce week-end. Je t'ai demandé ce que t'avais fait ce week-end. Non, s'en fout. Je voulais dire que j'ai fait un top 1 sur Call of. Alors, Coco, il est comme un dingue. Il est arrivé, il nous a dit: ah putain, j'ai fait top 1 sur Call of. Je te dis, le jour où tu feras top 1 sur Fortnite, on parlera. Pour les enfants. Fortnite. Bah, de ouf. Toi, tu vas avoir des problèmes. Ah, je sais. Toi, tu vas avoir des gros problèmes. N'hésitez pas à insulter Coco qui dit que Fortnite, c'est pour les enfants. Ça se passe au 01 42 48 5000. Et toi, Méloche, toujours rien. J'avais mes règles ce week-end. Ah, ouais. Voilà, elle est toujours vierge, bien sûr. Enfin, vierge, non. Mais elle est en train de redevenir vierge, hein, je vous le dis. On a Grâce au téléphone, c'est notre auditrice du soir. Bonsoir, Grâce. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Grâce, elle a 25 ans, elle est à Paris. Grâce, t'es pas loin de chez nous là, hein? Pas très loin. T'es déjà venue à la radio ou pas toi? De temps en temps. De temps en temps, t'es venue à la radio? Venue non, écoutez oui, au téléphone aussi. D'accord, donc ah, okay. tu viens de temps en temps au téléphone, t'es une auditrice de Fun Radio et ce soir tu vas être l'auditrice de Love in Fun. Ça fait longtemps que t'écoutes l'émission toi? Ah, je suis fan. C'est vrai? Vous m'avez fait rigoler la semaine dernière. Ah bon? Alors que je partais en vacances. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais pas, le théorème, Lucas m'avait bien rigolé. Ah bah, et de quoi il parlait? Ah bah quand il disait que s'il voulait faire plein de rapports sexuels avec sa copine, il prendrait une salope. Ah oui, exact. Ah oui, je me souviens. Et ça, ça t'a fait marrer, Grâce? Ah bah oui, avec mon copain, on s'est regardé, il m'a regardé, il m'a dit: bon bah ma chérie, tu es une salope. Et bah, voilà. Ça fait combien de temps que t'es avec ton copain, Grâce? Officiellement un mois et demi. D'accord, mais tu connais depuis plus longtemps, c'est ça? Ouais, 10 ans. Ah, 10 ans? Ah ouais, donc c'était ton meilleur ami, c'est devenu ton mec. C'est ça. Il y a souvent des belles relations qui commencent comme ça, hein, parce que du coup, vous connaissez vachement bien. Et t'es libérée sexuellement, Grâce, on m'a dit? Oui, oui, complètement. Ça veut dire quoi, libérée sexuellement? Bah, je pense que j'ai pas besoin de lui dire quoi que ce soit, je suis un livre ouvert avec lui. D'accord, hein, d'accord. Donc t'as pas de tabou, en fait? Aucun. Eh ben ça tombe bien, parce que ici on parle sans tabou, justement, au 01 42 48 5000, et tu vas choisir la musique. Grâce, qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi? Alors, moi, c'était... Comment il s'appelle? Kimotion? Ou c'est ça? Ah, ouais, oui. C'est ça, ouais. Kimotion. Ah ouais, je me souviens. Oui. Kimotion dans l'émission, enchaîné avec Dinoro. C'est du off-beat. Dinoro, Gigi Lagostino. Ce soir aussi dans l'émission, on écoutera Criss Cross Amsterdam Whenever. Au 01 42 48 5000, venez choisir la musique ici, hein, dans cette émission, et posez vos questions. On va accueillir Romuald. Il a 20 ans, il est de Paris. Salut Romuald. Salut l'équipe. Salut. Salut, sois le bienvenu Romuald. Salut. Tu nous appelles pourquoi? Je vous appelle parce que j'aurais besoin de quelques conseils, oui. Notamment sur un plan à trois. Je me pose plein de questions en ce moment. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Pour expliquer un peu la chose, ça fait 2 ans et demi que je suis avec ma copine. Ouais. On est ensemble, on s'est mis ensemble du coup, et ça fait 2 ans et demi. Et il y a un mois, elle m'a présenté une collègue de travail à elle. Mmh. Et la collègue de travail, en fait, le soir où je l'ai vue, on a fait un apéro, etc. Et le soir où je l'ai vue, j'ai eu une sorte d'attirance. Mais sans perdre de l'attirance pour ma copine en même temps. Ah, dis donc, t'es un malin, toi. Hein? J'ai eu de l'attirance pour l'autre meuf, mais sans perdre l'attirance que j'avais pour ma copine. Pour les deux, quoi. Hein? C'est ça, j'ai eu un élan d'affection. Hein? J'avais envie de lui faire l'amour. Bon, c'est du désir. Hein? Bon, voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, et puis après ça, j'ai commencé à lâcher sur Instagram, à liker ses photos. J'ai vu qu'elle commençait à liker un peu les miennes. Ouais. Et voilà, maintenant, disons que en plus de mes relations sexuelles, je me masturbe et ça peut m'arriver de penser, ça arrive souvent d'ailleurs, de penser à sa copine plutôt qu'à la mienne. D'accord, ok. Oui. Tu vas en venir où, Romuald? J'aimerais savoir, je sais pas, est-ce que ma copine serait pour un plan à trois? Est-ce qu'elle serait pas d'accord? Tu lui en as parlé? Non, je n'en ai pas parlé, je n'ose pas lui en parler en fait. Est-ce que vous avez déjà évoqué le sujet depuis 2 ans et demi que vous êtes ensemble? Absolument pas. Jamais. Pour elle, c'était toi et moi, toi et elle, et maintenant, bah, ça change. Bon, après, ouais. Là, voilà, tu vois une fille, elle est jolie, tu la désires, tu penses à elle en te masturbant, bon, bah oui, ça arrive, hein, et ça t'arrivera toute ta vie, c'est, par moments, des fois oui, des fois non, c'est ouais. Normal, c'est pas obligé parce que tu penses à elle pour te masturber que il faut passer à l'acte et faire obligatoirement un plan à trois. Mais ceci étant dit, bon, pourquoi pas non plus, hein. Il y a pas de jugement moral à avoir dessus. Si toi tu te sens prêt à ça et que tu te sens capable de lui en parler et qu'elle, elle est ouverte à la question, pourquoi pas? Mais c'est ça, c'est que je sais pas, je pense qu'elle est pas ouverte à la question ouais. Et je sais pas du tout comment m'y prendre, quoi. Peut-être pas s'y prendre. Ah ouais, je pense que Romuald, là... C'est chaud quand même. Bah, il va pas falloir lui dire que tu te masturbes en pensant à la meuf, quoi. Ah bah non. Hein? Oui, c'est un fantasme, ça reste pour toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, justement, c'est intéressant, ça, le fantasme. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on désire, qu'on aimerait faire, mais qu'on fait pas. Oui. D'accord. Et là, ça s'appelle un fantasme. Mmh. Si tu passes à l'action, c'est plus du tout un fantasme. Alice, à écouter Romuald, tu penses que ce serait une bonne idée de faire un plan à trois avec la meuf? Bah, là, déjà, je pense que la mauvaise idée, c'est de commencer à faire des plans sur la comète alors que tu sais pas du tout ce que ta meuf va dire, tu vois. Donc, c'est clair que la première personne à être au courant de tout ça, c'est tout simplement ta meuf. Tu tâtes le terrain sans parler de sa collègue. Sans parler de sa collègue, bien sûr, parce que sinon, elle va tout de suite mal le prendre. Elle va se dire, enfin, moi, je présenterai une copine ou une collègue à mon mec et un mois après, il me dit, ça te dit un plan à trois, j'aurais peur de ramener la moindre meuf à la maison. Ah quoi. Ouais, c'est chaud. Donc, hein. Vas-y tranquille en commençant par lui dire, ouais, est-ce que ça te tenterait pas de faire un plan à trois et tout avec une autre fille, un autre mec, tu vois ce qu'elle te dit, tu vois, même si toi t'as pas envie avec un autre mec, et puis si elle est chaude, pourquoi pas. Tu pourrais par exemple tu vois une fille dans la rue et puis tu lui dis, oh regarde, elle est jolie, est-ce que ça te dirait toi de le faire avec elle, voilà, tu vois, ça passe plus naturellement, plus spontanément, que là, le truc qui est déjà un peu téléphoné, déjà un peu travaillé, avec quelqu'un que tu vois déjà depuis un moment. Tu vois, je trouve que c'est mieux déjà d'être plus spontané et puis de voir comment elle réagit. Si elle dit, ah non, mais ça va pas ta tête. Ok, bon, bah, c'est mort, hein. Ouais, on va demander à Grace, notre auditrice du soir. Grace, t'as entendu l'histoire, là, Romuald? Non! Non, t'as pas entendu? Non, non, si, si, mais non, je suis pas d'accord. Ah, et moi, je ne pourrais pas voir mon copain pénétrer une autre personne. Ah bah oui, c'est chaud. Ah bah je suis d'accord. Il y a un début à tout. Hein. Ah non, mais Romuald, bon, ça fait un mois qu'elle est avec. Ça peut être rigolo, hein. Oui, super, mais par contre, c'est s'il voit une autre personne et qu'il rentre et qu'il la pénètre, non, par contre, ça va pas être possible. Ah ouais, ça t'en veux pas, ça, Grace. Bah, maintenant, Grace, ça fait un mois qu'elle est avec. C'est quand ouais, même ouais. Très, très compréhensible. Deux ans et demi, c'est souvent un moment où le désir pour d'autres peut arriver, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quand c'est dans un couple à deux et que les deux, ok, bah oui, allez, on va l'ouvrir parce qu'on a envie de nouveautés, etc., c'est une chose. Là, toi, c'est juste que, ok, t'as fantasmé sur une fille, quoi. Hein, c'est pas plus que ça. T'es pas en train de dire, bah, j'ai moins de désir pour ma copine, j'ai envie de mettre du piquant, patati patata, c'est pas du tout ça. Donc c'est juste, j'ai fantasmé sur une autre, je voudrais l'intégrer. C'est pas la même question. Je pense que tu dois vraiment d'abord tâter le terrain avec ta copine. Et alors, justement, tu veux tâter le terrain en direct sur Fun Radio en l'appelant ou Oui, bah oui, pourquoi pas. D'accord. OK. Vous donc tu te rends bien compte que en décidant de l'appeler là, il est fort probable qu'on lui dise tout. Oui, bah oui. On évitera bah, alors. On va laisser. C'est à prendre ou à laisser après. Hein. Ah ouais, non, mais t'en es carrément là, quoi. Bah écoute, Romuald, appelle ta copine alors. Bah ouais. Ah, et faut que tu sois motivé, mon petit pote. Hein. Ouais, mais ça fait un peu peur quand même. Ah bah justement, nous on est là pour te prévenir. C'est toi qui vas lui parler aussi, hein, donc. Ah ouais, ouais. Ah, mais nous, je te le dis direct, hein, on n'est pas là pour. On n'est pas là pour faire de l'audience. On sauve le coup si tu t'enfonces, tu vois. Nous, on sauve le coup. Non, mais on va être la première émission à vous le dire. On n'est pas là pour faire de l'audience. Hein. Non, mais si un peu, pour Kassim, hein, pour qu'il puisse avoir un petit peu d'argent, une petite promotion, quoi. Mais voilà, si appeler ta copine pour lui dire ça nous semble être une mauvaise idée, ce qui a priori est le cas, on le fait pas. Après, Romuald, si toi, t'as vraiment envie de le faire, on le fait. Bah c'est que moi tout seul je saurais même pas du tout comment lui dire ni comment l'annoncer, donc tu veux qu'on t'aide à annoncer le fait que tu veuilles faire un plan à trois? C'est ça. D'accord, mais tu parleras dans un premier temps et ensuite on sera là si tu veux, ok? D'accord, ok. Bon, bah dans un instant on va appeler ta copine

Loud Luxury et Buddy sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. 22h minuit. Radio. Quel début d'émission. Quel début d'émission là. Tout de suite, Romuald qui nous a mis dans son histoire là de plan à 3. Sans déconner, Romuald qui va perdre sa copine en direct. dans deux minutes. Non, hein. J'espère pas. Dans deux minutes, où vous soyez, quoi que vous fassiez, vous allez assister à une rupture en direct. Hein. Romuald, 20 ans de Paris, nous a appelé ce soir pour nous dire voilà, j'ai ma copine qui m'a présenté. C'est une collègue à elle, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, une collègue à elle, puis moi je l'ai trouvée mignonne et tout. Enfin voilà, j'avais du désir pour elle, mais j'ai toujours du désir pour ma copine. Hein, mais ça m'empêche pas d'aller sur son Instagram à la collègue, à liker ses photos, elle avec les miennes. Puis de temps en temps, bah, il m'arrive de sortir ma top pour me masturber en pensant à elle. Hein, mais jusque-là, tout va bien. Oui, bien sûr. Alors, Doc, forcément. Le pire est à venir. Et bien sûr, toi, t'es sexologue, t'envoies des vertes et des pas mûres. Moi, je serais la copine de Romuald, j'aurais envie de t'en claquer une. Hein. Je te le dis direct, Romuald. Ah, bah, si elle savait, ouais. C'est clair. Ah, bah oui, non, mais ça. Il n'y a ça, pas à savoir. Déjà. Alors, nous, on t'a dit, ne l'appelle pas. Et toi, tu nous dis, si, si, faut l'appeler. Donc, on va l'appeler. Romuald, tu veux lui proposer un plan à trois avec cette fameuse collègue qu'elle t'a présentée il y a peu. Donc, si tu veux un conseil, évite d'évoquer le fait que, voilà, ce soit une nana sur qui tu peux te masturber. Hein. Ouais. Déjà, moi, je dirais même le conseil, peut-être évite de parler d'elle. Oui. Déjà, juste évoque le sujet. Juste d'accord. Ça, quoi. Rien que le concept du plan à trois, voilà, c'est déjà ça. Un truc à parce que là, là, si tu parles d'elle, à mon avis, c'est mort tout de suite. Donc, et si, alors, si jamais elle dit. Si jamais elle dit youpi, youpi, la boum. Non, mais ce serait avec qui? Ah, moi, je suis là. Ouais. Et alors, moi, il n'y aura pas d'attachement, hein, Romuald. Ouais. Allez, je te laisse réfléchir. Il hésite. Ouais. Comment ça se posait la question, finalement? Est-ce que je ferais pas le plan à trois avec Karel? Hein? Bon, écoute, ça, a priori, il est open. Hein, ça se passerait bien. Romuald, on se concentre sur Inès et sur la collègue d'Inès. En attendant, suis le conseil de Doc et d'Alice, là, tu parles pas de la nana. Tu parles juste d'une possibilité de faire un plan à trois. On y va, on l'appelle, on va voir comment elle réagit. D'accord? D'accord. Allez, bonne chance, Romuald. Merci. Là, dans deux minutes, son couple est terminé. Deux minutes, maintenant. Allô? Oui, allô, ma chérie? Oui? C'est Romuald, ça va? Ça va, et toi? Ouais, désolé, je t'appelle juste en masqué, parce que je sais pas, mon téléphone, il a un problème. Ouais. J'ai fait ça plusieurs fois. Dis-moi, je voulais t'évoquer un sujet. Enfin, c'est la première fois... En fait, je voulais pas t'en parler en face. J'ai un peu peur de t'en parler. Ouais. Je voudrais savoir si éventuellement, toi, ça te tenterait un plan à trois. Un plan à trois? Oui, éventuellement, oui, avec une autre fille. Avec qui? Bah, avec une fille, avec une fille parmi... Enfin, éventuellement, imaginons, toi et moi, on se retrouve avec une autre fille... Pourquoi je te conviens plus? Une autre fille, qui ça? Non, à mon avis, c'est pas t'as... une question comme ça. Dis-moi, qui? C'est juste que voilà, ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble. On a testé des trucs, c'est très bien. Oui. C'est que voilà, rajouter un peu de piment dans un couple, toi, je sais pas, tu serais peut-être un partante, non? Non, pas du tout. Non, ça. Je vois pas pourquoi tu voudrais tout de suite aller coucher avec d'autres meufs, quoi. Enfin, même si je suis là, je te conviens plus. Enfin, je sais pas, qui à mon avis, tu dois avoir une fille dans la tête, sinon tu me demanderais pas ça. Non, pas forcément, j'ai pas de fille dans la tête. Non, c'est rajouter un peu de nouveau dans notre couple, quoi, ensemble. Et pour toi, rajouter du nouveau, c'est coucher avec deux meufs en même temps? Ben, c'est éventuellement sortir de la routine qu'on a. Et si, genre, demain, moi, je te dis, bah tiens, je veux m'en taper un autre avec toi, tu dirais quoi? Tu serais d'accord? Ben non, mais il faut que ce serait une fille. Ah, voilà. Ben voilà. Donc, en gros, quand c'est pour toi, il n'y a pas de problème. Coucher avec deux meufs, il n'y a pas de souci. Mais si jamais, moi, je te le propose, non, ben non. Pourquoi faire? C'est mort. Ben, pas un autre garçon. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, tu me proposes un plan à trois avec une autre meuf, bah, je pourrais très bien te proposer un plan à trois avec un mec. Enfin bon, je sais pas, ça me dégoûte en fait ce que tu dis, quoi. C'est, je sais pas, c'est pervers, ça. Il t'est passé quoi dans la tête? je sais pas, imaginons ce serait une fille que tu connais, ça serait mieux, ça passerait mieux, non? Mais quelle fille? Mais une fille que tu connais. Mais dis-moi un nom. Par exemple, Julie, que tu m'as présentée. Enfin, ah oui, quand on avait fait l'apéro ensemble. Oui, je m'en souviens. Donc en gros, toutes les meufs que je vais te présenter, tu vas vouloir coucher avec? Non, mais c'est pas du tout ça. Ah bah. C'est par exemple Julie. Oui, par exemple Julie. Donc la nana, je te l'ai présentée il y a quoi? Il y a un mois, ça y est, tout de suite. Tu l'as dans la tête, t'en peux plus. Non, c'est pas forcément que j'ai dans la tête. C'est que on fait des choses, quoi. Imaginons, Julie, elle serait partante. Que tu serais pas partante. Mais pas du tout. Enfin, je vois pas pourquoi on ferait un truc à trois alors que ça va bien nous deux. J'ai pas à te partager avec Julie, avec Pierre, Paul ou Jacques. C'est ouf, ça, oui. Quand même. Ouais. Bah non, je suis désolée. Donc au pire, si tu veux faire un plan à trois, tu vas t'en trouver une autre qui voudra bien faire un plan à trois avec Julie, avec Pierre, Paul, j'en ai rien à foutre, mais pas avec moi. Jacques, oui. Ou Philippe. Bonsoir. Bonsoir, oui, Inès. Allô. Bonsoir, t'es en direct sur Fun Radio, Inès. Ah, en plus. Mais bien sûr, je m'appelle Karel. Il y a Doc, il est médecin, il est beau, ouais. Il est sexologue, il est capitaine de bateau. Et Alice, Miss Météo sur M6, elle est là. Et alors moi, t'es en direct dans Love in Fun, Inès, d'accord? Ok. Alors, Romuald nous a appelé pour nous raconter voilà qu'il avait dans l'idée peut-être de faire un plan à trois. Il nous a dit c'est pour sortir un petit peu de la routine. C'est un fantasme. Ouais. C'est un truc que je ferais peut-être jamais de ma vie, mais j'avais besoin de vous pour que vous l'annonciez à ma copine. J'ai l'impression que t'es pas réceptive. Pas du tout, non. Impression. Non, voilà. Mais ça reste réglé. Ça reste un fantasme. Ouais. C'est réglé, Romuald. Hein, t'en veux pas plus? Bah, il faudra qu'elle soit réceptive. Hein. Mais pourquoi? Ah bon? Ah bah parce que c'est un fantasme, c'est quelque chose que je veux absolument faire dans ma vie. Ah bah dans ta vie, mais fou, on verra plus tard. Hein. Bien sûr. Le jour où elle sera prête, elle aussi. Et si elle en a jamais envie, et bah. Ah oui, Romuald, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Bah voilà. Bien sûr, Inès. Pourquoi pas. Voilà. Vous en êtes pas là, hein, donc vous reposerez la question plus tard. Ah oui, ouais. Romuald, tu te rends bien compte que si Inès n'est pas d'accord, tu feras peut-être pas de plan à trois dans toute ta vie. Non, mais il y a toujours des moyens de s'arranger. Parce oui, que voilà, Inès... tu verras bien, mais après, c'est pas une obligation non plus, hein. C'est pas un truc. Quand on a des fantasmes, on n'est pas obligé de les réaliser, hein. C'était quoi, ça? Moi, je sais pas. Il a éjaculé, je crois. Je veux pas m'en mêler, mais. Ah, le zèbre de coco, ça! Alors, Doc jouit à l'antenne. Obligé! J'adore. Bon, alors, Inès, t'as provoqué un éjaculat de Doc. C'est dégueulasse, cette phrase. Romuald, écoute, oui. Inès, elle est pas chaude. En tout cas, pas pour le moment. Donc, après, c'est voilà. T'as ouvert la porte, tu t'es pris la porte dans la gueule. Peut-être que t'essaieras de l'ouvrir dans 10 ans. Bon, ce qui est bien, c'est que t'as communiqué, tu as parlé de ton envie. Ça, c'est pas mal. C'est de la communication sexuelle. C'est bien. C'est bien d'en avoir parlé. Bravo. Hein, et puis vous pourrez reparler. Non, mais c'est toujours une étape, hein, de parler de ce genre de choses. Bien sûr. Voilà. Mais bon, voilà, elle a pas envie maintenant. Et fais pas du forcing parce qu'elle en a pas envie. Tu vois, ça sert à rien de faire du chantage. Après, en lui disant, si tu veux pas le faire, je le ferai avec quelqu'un d'autre et tout, pour faire une sorte de chantage affectif. Enfin, t'as testé. Elle peut en parler avec toi. Elle est à ton écoute, mais écoute aussi ses envies à elle. Et t'as bien vu quand elle te dit, je veux le faire avec un autre mec, t'en as pas envie non plus. Donc c'est à 50-50 et n'oublie pas que t'es pas tout seul dans l'histoire. C'est ça. La réciproque, ce serait pas mal quand même, au minimum Romuald, la réciproque, ce serait pas mal, hein, mais de toute façon elle en a pas envie du tout, donc Inès, on te fait des gros bisous en tout cas, et j'espère que ça va aller. Inès, t'es un petit peu énervé? Ça va redescendre. Oh, c'est il a tenté. C'est un fantasme, il t'en parle. Bon, c'est bien. Qu'il t'en parle avant plutôt que de le faire. Et cache la collègue maintenant, voilà. Ne la ramène plus à la maison. Arrête de ramener cette collègue à la maison. Et vérifie ses photos sur Instagram. Gros bisous, Inès. Gros bisous à tous. Gros bisous, salut. À bientôt, Inès. Au revoir, Inès. Hop, j'ai raccroché Inès. Romuald. Oui. Et nul. Pourquoi vous balancez les photos Instagram? Attends, on n'a pas dit que tu te branlais dessus, alors non. Tu peux nous remercier. J'étais à deux doigts de le faire tellement t'es nul. Pourquoi tu fais le forcing comme ça? Mais grave, réagis pas mal. Bah non, mais c'est... Enfin, il faudra que ça se fasse, bah non. C'est juste un caprice que tu nous fais. Ouais, c'est ça, ouais. Hein? Ah non, mais il faut tester un peu tout dans sa vie quand même. Teste-les, mais sans elle. Elle veut pas. Ah oui, c'est pas pressé à maintenant, là. Si c'est pas tout de suite et que c'est dans 3 ans, c'est pas grave. oui, non, c'est pas vrai. Voilà. Voilà. Ah, ou alors tu deviens célibataire et tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais là, en attendant, t'es en couple, t'es avec elle. Hein. On te fait une grosse bise, Romuald. Merci l'équipe. Ouais, de rien. T'as sauvé ton coup là. Salut. Salut Romuald. Salut. 01 42 48 5000. Dans un instant, Alice, on va parler de quoi? On a reçu un message de Léa en fait. Elle a 17 ans et elle n'ose pas vraiment parler de sexe avec ses parents. Donc on vous pose la question, est-ce que vous en parlez régulièrement ou au contraire c'est hyper tabou chez vous? Et est-ce que vos parents vous ont déjà mis mal à l'aise même? Des fois ça arrive, tu vois, les parents qui parlent de sexe, qui balancent des anecdotes sur toi ou même sur eux en repas de famille, des trucs comme ça. Ah, j'ai fait une pipe à papa, ah ouais, ton père était ça. Ravi. Non, c'est ça. Ça n'arrive pas, ça. Enfin, moi, je sais si que. Si, ça arrive. Ah ouais, ouais. Mais enfin, oui. Il y a des parents qui sont très, très libérés. Ah ouais, putain. Qui... Souvent, les parents divorcés aussi, tu sais, avec la maman qui raconte ses histoires de plan cul. Oh, bah, j'ai eu un plan cul la semaine dernière. Ah ouais. Moi, j'ai eu des copines, c'était comme ah, ça. Je me suis fait enculer toute la nuit. Peut-être pas à ce niveau-là, pas mais. Quand même. Hein, ça arrive. Ah, dites-nous. Est-ce que vous êtes libérés, voilà, en tout cas, dans votre famille, on est libérés, on parle librement de sexe. Au contraire, c'est complètement tabou. Moi, je sais que c'était tabou, quoi. Dès que je faisais, alors, t'imagines moi en plus qui adore faire des vannes de cul, alors je tentais des petites vannes et je m'en prenais une à chaque fois. Non mais vraiment, dans pas mal de familles, dès que tu parles un peu de sexe, c'est oh dis donc, ouais, ça va, hein, tu ouais, vas te calmer. Ouais. 01 42 48 5000, venez nous dire Criss Cross Amsterdam Whenever sur Fun Radio dans Love in Fun. Bonne soirée tout le monde. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. My mom's mad, but I never cared. And babe, I don't regret it. I'm really sorry that you never met. But girl, I work on that. Even a million miles won't get me gone. I'll meet you every night. In every dream I find your love. And that makes me smile. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. C'est Connor Ménard hein, qui chante sur ce son. Criss Cross Amsterdam et Whenever sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. De 22h à minuit sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio, funradio.fr si vous voulez réécouter les émissions en podcast, en replay bien sûr, sur l'application aussi, l'application Fun Radio à télécharger sur tous les mobiles et puis la chaîne YouTube de Love in Fun. On vous a mis une nouvelle vidéo encore, là. C'est quoi la dernière qu'on a mise Alice? La dernière vidéo, ah, c'est celle de Méloche pour son anniversaire avec les stripteaseurs. Ah, Méloche qui mange la banane. Exactement. Méloche, la banane. Donc, si vous voulez voir Méloche croquer une banane qui est en fait tout simplement dans le caleçon d'un homme à moitié nu, ouais, ça donne envie comme ça. C'est à retrouver sur le YouTube de Love in Fun, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas. Alors, sachez que Méloche regrette profondément ce geste car elle n'a pas assez englouti la banane. Voilà, donc il faudrait le rappeler qu'elle ramène une banane et. Oh, la gourmande. gourmande. Elle est gourmande. Elle n'a pas vu le loup depuis combien de jours, Méloche? 550. 550 ça y est, là, ça jours. Passe. Putain, 550 jours. Elle est exigeante, hein, notre Méloche. Hein. Ah ouais, non, c'est surtout qu'il n'y a personne qui se bouscule au portillon. Oh, bah merci, c'est pas vrai. Ça veut dire quoi, attends, ça bah, oui, je suis désolé, Méloche. J'ai encore pas vu de garçon. Elle aurait pu coucher avec Greg au moins 50 fois si elle avait voulu. Non, mais c'est vrai qu'elle est difficile. Ah oui, c'est vrai. Et Greg, il te plaît pas? Non. Non, mais putain. Mais alors, je peux pas dire ça. S'il écoute, il va se dire, oh putain, la honte. Vas-y, appelez Greg. Appelez Attendez, Greg, tu nous Greg. Avais jamais dit qu'il te plaisait pas. T'avais dit affaire à suivre, on sait pas trop. Non, ça mais nous après, mêle, je m'entends bien avec lui. Il est sympa, j'ai... vraiment. Alors, bah, voilà, Greg, c'est l'animateur. C'est l'animateur du 12h-16h sur Fun Radio. Et alors, si on l'appelle, il va être déçu. Est-ce qu'on le dérange? Non. Non, mais franchement, mais là, tu peux pas lui dire ça. Et puis c'est pas vrai. Ah. Elle dit non, mais est-ce que tu le penses vraiment? J'éteins le micro. Méloche. Alors Méloche, on fait de la radio. Hein. Le concept, c'est pas de. Peut parler. Elle bouge la tête en disant coussi coussa. Bon, on n'appelle pas Greg parce qu'on veut pas lui gâcher son dimanche soir. Et Kassim a décidé. Il m'a dit on l'appelle pas. Et comme Kassim c'est le reproducteur. Ah, Coco, t'es pas d'accord? Vas-y, on l'appelle. Ah non, je suis pas d'accord. On l'appelle. Bah, faut lui dire qu'il arrête quoi. En fait, tout simplement. Répondeur. Ah, ça sonne. On appelle Greg. C'est le parti. Pauvre. Il rame pour rien. On vient de l'apprendre ce soir. Ah ouais, non, c'est bon. Moi, j'ai pas envie de revoir mon pote Greg. Ouais. Hein, se défoncer pour toi, Méloche. Défoncer pour toi, ouais. Allô? Ouais, Greg, c'est Karel. Ouais. Non. Ça dérange? Ah bah non, pas du tout, mais si c'est vraiment Karel, t'es à l'antenne, quoi. Ouais, je suis à l'antenne, je suis emmerdé, Greg. Ça va pas trop, Greg. Ça va pas trop, j'étais avec Méloche, là. J'étais avec Méloche. Bon, voilà, on faisait un retour de disque, comme d'habitude, et puis je me suis tourné vers Méloche, j'ai parlé des vidéos YouTube, celle du strip-teaser, tout ça, où t'étais intervenu pour son anniversaire, et puis là, j'ai dit à Méloche, ça fait combien de jours que t'as pas fait l'amour? Elle me dit 550 et tout, machin, et je lui dis, et c'est pas faute d'avoir des garçons qui gravitent autour de toi, et notamment, exactement. Et Alice l'a dit, Greg, qui serait prêt à te pécho. Et là, elle a dit, moi, Greg, je suis pas intéressé. Non. Ouais. Putain, ça c'est dur. Bah ouais, alors du coup, moi je t'appelle parce que je pense qu'il faut dire les choses, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, si j'ai pas envie de te voir te casser la gueule devant Méloche. Ouais, on en a marre de te voir souffrir. T'as totalement raison, Karen, on se connaît depuis un petit moment et tout. Tu sais que parfois en amour, je peux être très performant, comme parfois je peux tomber dans des love stories qui sont pas possibles et qui me rendent très triste. Donc tu fais bien de prendre des choses en main ce soir dans Love & Fun. Moi, je peux vous donner une information exclusive si vous voulez. Vas-y, Greg. Avec plaisir. Bon, j'imagine que vous voulez un petit peu des infos exclusives. Moi, j'ai fait ma déclaration, enfin en vrai, dans les couloirs comme ça. Enfin, ouais. J'ai fait ma vraie déclaration et elle m'a dit, tu sais, Greg, les garçons qui ont réussi à être en couple avec moi, c'était après avoir été amis. Et elle m'a proposé donc de potentiellement rentrer dans la friend zone avec elle. Ouais. Après, c'est vous les spécialistes. Je sais pas si vous avez quelque chose. Putain, quel mec extraordinaire. Je suis d'accord avec toi, Greg. Putain, franchement, j'en ai. Je l'ai casé ou pas un recalage ou pas ça? Écoute, j'ai tâté un peu le terrain. J'avais la sensation qu'elle était quand même sensible à ton charme, qu'elle nous disait on va voir vers où ça évolue entre Greg et moi. Je pense que tu lui fais peur, tu vois. Et on a l'exemple de l'auditrice du soir, hein, 10 ans avec son meilleur ami, et puis bah maintenant ils sortent ensemble. C'est vrai, grâce, hein, 10 ans. Et tu l'as fait galérer, ton copain, ou c'est lui qui t'a fait galérer, grâce? Non. C'est lui, j'avoue, c'est lui. C'est lui qui t'a fait galérer. On voyait en l'air, hein, plein de fois. Hein, bon. Ah, vous aviez quand même fait des trucs. Ouais. Ah oui, bah, comme Greg et Méloche. Mais oui. Bien sûr. Mais c'est pas que meilleur ami, quand même. Mais non, mais c'est vrai, Greg a doigté Méloche, hein, c'est un secret pour personne. Mais, ah oui. Mais bon, mais voilà. Elle me fait tellement mal au cœur. Hein? Elle me fait tellement mal au cœur, la pauvre. Méloche, ah, Méloche. Pas, hein, dis donc. Ah, mais, franchement, s'il y en a un qui nous fait mal au cœur ce soir. Ah, c'est Greg. C'est Greg. Bah oui. Non, non, moi, c'est elle qui me fait mal au cœur. Mais pourquoi, grâce? Mais lui, on s'en fout. Mais il ouvre son cœur. C'est un être humain aussi, quand même. Mais on s'en fout qu'il ouvre son cœur, mais elle, ça fait 550, je ne sais pas combien de temps. Mais c'est pas possible. Parce qu'elle est trop exigeante, tu vois bien. Elle refoule même Greg. Mais oui, Greg de Fun Radio. Putain. C'est elle qui choisit et qui veut pas non plus. Hein. À la grosse tête, Méloche. Ouais. Bon, bah écoute, Greg, désolé de t'avoir dérangé pour ça, mais je voulais au moins, voilà, te tenir au courant, non, tu vois. il est vrai, Karel, pour aller jusqu'au bout de la réflexion, que globalement, moi, voilà, c'est une relation d'amour. Moi, effectivement, je suis prêt à attendre 10 ans pour séduire Méloche, mais le problème, c'est qu'elle, il faut qu'elle fasse l'amour là dans les 10 jours qui viennent. Donc, effectivement, c'est peut-être incompatible entre nous, quoi. Moi, je suis pas un garçon qui va vite. Voilà, j'aime prendre mon temps, j'aime séduire, j'aime être romantique, raccompagner la fille devant chez elle, comme ça, je rentre pas, tu vois. Moi, je suis un mec de comédie romantique, hein, pour tout dire. Je regarde cette comédie romantique. Bravo! Hugh Grant, coup de foudre à Notting Hill, il existe encore. On verra de quoi l'avenir est fait. Ouais. Bon allez Greg, tu te bourres pas la gueule ce soir Greg. Ah non. Non j'étais en fait j'étais en train d'écouter des chansons d'amour en pensant à elle vraiment. Tu lui faisais une compile. Tu prépares lui une compile. Ah ouais. En plus c'est vrai, les gens peuvent vérifier sur mes réseaux sociaux, notamment dans ma story Instagram, je mettais des paroles de chansons d'amour et tout comme ça, tu vois. Bah ouais. Ah, putain. Je suis un romantique, j'assume, je suis un mec de comédie romantique. Putain. Je peux exister aussi même à Fun Radio. Bon bah écoute Greg, à demain. On se voit demain. La tête haute. On se voit demain. On se retrouve demain entre midi et 16h. Merci beaucoup. Enfin, radio. Salut Greg. Ciao. Ciao l'artiste. Salut. Allez, c'est parti, une petite question à la con. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Il y a de l'émotion ce soir. Ah ouais. L'émotion. Ce serait pas une petite question à la con? On accueille Mathieu. Oui. Dis donc Mathieu, attends que je te présente. D'accord. Chacun dans son temps. On accueille Mathieu, 23 ans de Rouen. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va bien Mathieu. Mathieu, t'as une petite question à la con toi. Eh oui, j'ai encore une petite question à la con. Ah bah vas-y, on t'écoute. Alors je voulais savoir, les mecs qui ont la voix grave, est-ce qu'ils ont forcément des grosses couilles? Oui. Est-ce que les mecs ont la voix... Monsieur Pavachaud. C'est pas Monsieur Pavachaud. C'est Pavachaud. Foutez Doc à poil qu'on vérifie cette question. Non, mais c'est vrai, Doc, t'as la voix la plus grave de cette équipe. Est-ce que t'as des grosses couilles? Enfin, il y a des ténors aussi qui ont des voix plus grosses que... plus graves que la mienne. Ouais, donc il a des grosses couilles, a priori. Grosse et grasse, visiblement. Non, c'est pas directement proportionnel. Ah, même si pas... c'est lié au taux de testostérone, bien évidemment. Quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est pas directement proportionnel. Tu peux avoir des petits testicules qui produisent beaucoup de testostérone et des gros testicules qui produisent très peu de testostérone. C'est pas. Voilà. Bien sûr, Doc. Merci d'avoir appelé Mathieu. Et tu reviens quand tu veux. À bientôt, coup, Mathieu. J'ai pas besoin de faire la voix grave. Mais non, de toute façon, c'est pas une fierté d'avoir des grosses couilles ici. Enfin, je sais pas, c'est pas même esthétiquement, c'est quand même pas ouf. Bah, je sais pas, après. Il y en a qui aiment, hein. Ah ouais, genre ça fait viril, j'ai des grosses couilles de taureau quoi. Ouais, non, je sais pas. Les couilles qui pendent, etc. Ça peut être. Ouais, les couilles, on s'en fout, c'est la bite, hein, surtout, hein, qui compte. Hein. Ah, elles ont toutes dit ça. Ah ouais? Quoi? Hein? C'est une question que je pose, c'est pas. Écoute, non. Franchement, je suis pas du tout complexé ni par mes couilles ni par mon sexe. Est-ce que j'ai une grosse bite? Et tes cheveux? Alors ça, tu touches. Alors toi, tu dégages. Non, ça aussi, Mathieu. Moi, j'accepte tout, moi. Tu vois. C'est, ouais, moi aussi, ça c'est la clé du bonheur, mon gars. Mathieu, reviens quand même quand t'auras mué la prochaine fois. Salut mon Mathieu. Et on va dans un instant parler de sexualité, mais à la maison. Genre avec vos parents. Est-ce que vous parlez de sexe avec vos parents, Alice? Moi, personnellement, je parle de sexe avec mes parents. Mais c'est pas le cas de Léa, 17 ans, qui nous a envoyé un message sur Facebook parce qu'elle ose pas en parler avec ses parents. C'est hyper tabou chez eux. Et pourtant, elle aimerait bien dire, bon, bah voilà, moi, j'aimerais bien prendre la pilule et va tout simplement en parler. Donc, si vous, c'est votre cas, que c'est pas tabou, ou vous-même, vous avez eu des moments un peu malaise avec vos parents, parce que ça arrive des fois, quand on sort les vieilles anecdotes, ben, c'est le moment de tout balancer. La contraception, c'est un minimum quand même. Oui, il faut en parler. N'hésitez pas. Et si vous avez parlé contraception aussi, 01 42 48 5000. Ça, c'est Black Coffee qui va débarquer avec Drive. Et David Guetta, à tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Le Vinfo. Nouveau son dans la playlist Fun Radio. Marshmello et Bastille. Criss Cross Amsterdam. Je

22h minuit. Du sexe, de l'amour et du fun. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio, Love in Fun sur Instagram. On a mis la photo de Doc du week-end ou pas? Bah oui, évidemment. Ah. Attends, une petite photo de Doc à retrouver sur l'Instagram de Love in Fun. Et tranquille. Il est très sage, sage sur cette photo. En plus, c'est maman qui a pris la photo. Oh, maman prend la photo. Et bah, si vous vous demandez à quoi ressemble le Doc de Fun Radio, n'hésitez pas à aller voir ça sur l'Instagram Love in Fun. Il y a le compte aussi d'Alice pour voir les photos. D'Alice, Alice underscore Fun Radio. Oui. Et moi, c'est Karel Fun Radio, tout attaché avec un K comme Karel. N'hésitez pas. On va parler sexe et sexe à la maison, quoi, avec les parents. Attendez, on couche pas avec ses parents. Ah bah non. C'est pas ça l'idée, mais est-ce que parler de sexe avec ses parents, c'est tabou ou pas? Est-ce que vos parents vous ont déjà mis mal à l'aise? C'est une question qu'on nous a posée sur les réseaux sociaux, Alice. Oui, on a reçu un message de Léa qui a 17 ans et elle parle absolument pas de sexe avec ses parents. Elle n'a jamais fait l'amour à qui que ce soit, mais elle est en couple depuis quelques mois et elle aimerait bien quand même aborder le sujet parce qu'elle aimerait bien prendre la pilule, mais c'est hyper tabou chez elle. Tabou la pilule, enfin je comprends pas pourquoi c'est tabou. C'est ça, la contraception, normalement ça doit pas l'être. Tu parles pas de sexualité, de petits copains, de pratiques, etc. Mais la pilule, il faut à tout prix qu'elle puisse en parler. Ah oui, mais le message est clair. C'est comme le préservatif, enfin vraiment c'est le truc minimum. Mais c'est plus facile à avoir le préservatif que la pilule. Oui. Mais c'est moins facile à dire. Imagine, genre t'as 16 ans et tout, tu demandes à ta mère à un moment, toi comment tu fais pour tailler des pipes? C'est chaud. Là tu vois, ça je comprends que ce soit difficile. Ouais. Mais demander à sa mère, c'est quoi la pilule, comment ça marche, quand est-ce qu'il faut la prendre? Me semble un minimum. Bon après, les profs sont là aussi pour ça aujourd'hui quand même. Bien sûr. Alors c'est vrai. Il y a des cours, comment on dit, d'éducation sexuelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. La contraception, ça ils en parlent facilement quand même. Et le planning familial aide aussi. Quand même pas mal de personnes qui veulent avoir accès à la pilule sans l'autorisation des parents et sans passer par les parents. À partir du moment où il y a majorité sexuelle, elle peut aller le voir, le planning familial. On a Laura. Laura, 25 ans de Marseille. Bonsoir Laura. Salut. Salut Laura. Alors, est-ce que tu parles, toi, de sexe avec tes parents, tranquille? Ah oui, avec ma mère, oui, aucun tabou. Mais genre, ça commence à partir de quel âge, aucun tabou? Alors, 18 ans, moi j'ai travaillé dans un love shop, du coup ça a vachement... Un quoi? Ah bah oui. Dans un love shop. Un love shop. Et alors, on fait quoi dans les love shops? En fait, c'est tout comme un sex shop, sauf qu'il n'y a pas les cabines où les mecs ils peuvent venir regarder des films et se branler. Ah, voilà. C'est cool alors. C'est vraiment axé sur le couple. Ah ouais, ils sont forts. Du coup, ils ont appelé ça un love shop. Voilà. D'accord. Et alors Laura, donc tu bossais un petit peu dans le milieu du love et du shop, et forcément ta mère, je suis sûr qu'elle a commencé par te demander un petit vibro, quoi. Ben en fait elle s'est pointée à la boutique. Ok. Ah oui. Donc j'ai fait le tour du magasin et tout ça, et puis on a commencé à discuter et depuis plus aucun tabou, quoi. Et genre, tu peux parler de ton dernier plan cul avec elle, et elle peut te parler. Elle est toujours avec ton papa? Ah oui. Non, du tout. D'accord. Donc là, elle a refait sa vie avec un autre mec? Non, elle s'amuse, elle s'éclate, elle profite. Elle papillonne. Elle te raconte. Elle a quel âge, ta mère? Elle a 52 ans. D'accord. Ah, yon, Doc, c'est ta tasse. Elle papillonne, Doc. Jusqu'à Paris, peut-être, papillonnera-t-elle. Un petit Paris-Marseille. La première fois que tu lui as parlé de ton boulot, tu lui en as parlé comment? Oh, j'ai dit, maman, regarde, tu te souviens de la réunion que je t'ai fait pour tes 45 ans? Ben, je travaille dedans. Voilà. Et Laura, moi, j'ai une toute autre question. Elle est comment, ta mère? Non, parce que Doc, du coup, elle est comment, ta maman, Laura, physiquement? Elle est bien et elle est assez mince, elle a les yeux bleus, c'est fait rousse. Ah donc il a un sourire. Putain. Je les vois venir là. Non attends, on n'est pas comme ça Doc. Non mais vraiment, et surtout que... Respecte ta maman Laura, mais alors, toi pas de tabou, tu peux parler sexualité, il n'y a eu aucun problème. Ah ouais non, un jour elle est venue me voir, elle m'a dit j'ai rencontré quelqu'un et c'est un peu compliqué. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, il est libertin. Je dis, tu sais ce que c'est? Je dis, bon, maman vient, on va boire un apéro, et je t'explique. Ouais. Et du coup, on a passé la soirée à discuter, enfin, il y a vraiment aucun tabou, quoi. C'était une fois que tu l'avais emmenée dans la boutique et qu'elle était venue te voir? Ouais, après. Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Bon, mais déjà, ce qu'on remarque quand même, c'est que tu as su parler librement du boulot que tu fais. Je pense qu'il y a déjà ça. Tu es libéré côté parole dans ta famille. Vous êtes libéré côté parole dans la famille, globalement. Donc, C'est vraiment avec ma mère. Après, avec la famille, non. Elle t'a déjà raconté des trucs un peu chauds et tout. Ouais, c'est ça, genre des détails, des trucs un peu chelous. Détails, non, mais je sais que voilà, elle s'amuse, qu'elle va voir un peu à droite, à gauche, elle s'éclate quoi. Et vous vous donnez des conseils Les positions qu'elle aime bien, genre quand tu vois, quand tu rentres vraiment dans les détails. Comment on fait une gorge profonde, enfin tu vois, des trucs comme ça quoi, des trucs de base. Non, mais par contre, elle m'a fait un coup, on était en voiture, il y a pas longtemps en plus. Et on était avec mon chéri. Et j'ai vu une super belle voiture sportive et tout. Je me suis dit, oh, elle est trop belle. J'ai dit, mais par contre, elle doit consommer et tout. Elle doit, enfin, elle pompe, quoi. Et ma mère, elle regarde mon chéri, elle fait, ah, bah, au moins une qui suce plus que ta femme. Ah ouais! Ah ouais, okay. Ah, dis donc, ça fait rire, Doc, hein. Attention. Ah là là là là. Laura, tu restes avec nous. Il y a Alexandra aussi, 24 ans de Bourges, qui est là. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir, Leviton, ça va? Comment? C'est quoi? C'est qui? T'appelles, tu crois que t'es dans quelle émission, là, Alexandra? Love in Fun. Love in Fun? Ouais, c'est nous, c'est ça. Et Alexandra, j'imagine que parler sexe avec son père et sa mère, ça a dû être compliqué pour toi. Ah non, pas du tout. Ah bah voilà. Ah. Bah, je m'y attendais pas. Eh bah, vas-y, raconte-nous, Alexandra. Ça commence à quel âge? Bah, moi, mes 11-12 ans, quand j'ai eu mes premières règles. Ok, donc là, c'est normal, c'est la prévention, ma chérie, c'est normal ce qui t'arrive, t'as Terranute, voilà, ça a passé. Bah oui, à partir de là, elle m'a dit, voilà, t'es une femme, si un jour tu veux le faire, c'est simple, tu me le dis, on prend rendez-vous au gynéco, tu prends la pilule, on achète des capotes, y a pas de soucis. J'adore. Tourne. Ah ouais, putain, le package, quoi. C'est ça. Donc, mais ok, donc ça c'est normal. Oui. On va dire c'est une réaction normale. Là jusque là, ça devrait être comme ça dans toutes les familles. Mais attention, ça ne l'est pas. Il y a plein de familles. Moi, je pose la question toujours aux patients et aux patientes. Oui. Comment ça s'est parlé la communication sur ces sujets-là? Et général, la réponse c'est ah bah jamais, rien, pas un mot. Après, même là-dessus. Mais c'est pas, à la rigueur, c'est pas parce que même t'en parles pas avec tes parents que tu peux pas te renseigner aussi sur le truc, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je parlais pas de sexualité avec mes parents et ça m'a jamais empêché. Bien sûr. De m'éclater. Hein, ouais, bien sûr. Non, il y a d'autres sources d'informations, on est d'accord. Mais quand t'es jeune, quand t'es jeune et quand t'es ado, tu sais que tes parents sont une oreille et peuvent t'écouter et te donner des conseils, c'est pas mal aussi. Ils ont leur vue d'adulte, qui est pas la même que d'autres. Et tu veux dire sur des pratiques et tout Oui, enfin c'est assez sur rare. Sur les positions et tout. Moi, ça m'originait dingue de parler de ça avec ma mère. Personne ne le fait. Ah ouais. C'est pas conseillé. C'est juste d'être là. Au cas où, c'est de dire à ses enfants, voilà, si t'as envie d'en parler de quoi que ce soit, n'hésite pas, je suis là. En général, ils viennent pas parler des positions, des machins, etc. Mais... Ça t'a pas gêné, Alexandra? Tu t'es lâché? Vous avez parlé de quoi avec ta mère, ton père? Bah avec mes parents, ouais, non, on parlait des moyens de contraception, de prendre un hôtel, s'il y a besoin, il y avait pas de souci. Mais les moments gênants, moi, c'est plus avec mon frère que je le gênais. Ah oui. Ah oui, non, il s'est passé quoi avec ton frère? Bah en fait j'ai un grand frère. Des fois, une fois j'avais laissé mon sac à main sur la table, ouais. Et le temps d'aller aux toilettes et tout, je suis revenue, il était en train de fouiller dans mon sac à main. Il dit merde, il fait je trouve pas ses capotes. Il fait je suis sûre qu'elle en a. Je me suis mis derrière lui, j'ai dit ouais c'est la première pochette. Ah oui carrément. Donc, il est hyper protecteur en fait. Ouais. Bah ça ouais, c'est bien frère, ça. Mon frère est hyper protecteur. Bon, c'est donc, chiant. C'est assez drôle et tout. Il était là, ton premier rapport sexuel, il prenait des photos et tout, il prenait soin de toi, vas-y, là c'est nickel, non, attention non, plus à droite. Voilà, mais non, et c'est on vrai mouille, que on mon mouille. Frère, je le choque plus que mes parents. Mon frère, j'ai dit, il y a un garçon qui me plaît et tout, il fait, bah propose-lui une pipe, il fait, au moins ça va l'aider. Je fais, non, il préfère la sodomie. Oh putain! Donc, au final. Mais tu m'as l'air un peu cash aussi. Oui. Ah ouais, ouais, c'est non. T'as 24 ans, Alexandre. Ouais. Ah, beaucoup d'expérience. Des caches. Hein. Ah. Entre frères et sœurs, oui, ça peut quand même être plus souvent comme ça. C'est... Avec les parents, entre c'est plus rare quand même. Entre frères et sœurs, avec mes parents, non. Et après, on n'a pas de problème là-dessus. Hein. Moi, mes parents, pas ils pas me l'air. Demandent, bah, alors avec qui tu l'as fait dernièrement, tu t'es protégé. t'as besoin de quelque chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien. Ça, c'est bien. Voilà. Ça, franchement, c'est super bien. Alice, toi, tu parlais sexualité avec tes parents ou pas? Bon, écoute, pas spécialement. Enfin, j'en parlais seulement vraiment quand j'en avais besoin, mais on a toujours été assez libérés. C'est-à-dire que, genre, avec ma mère, on parle de cul, mais en blaguant. C'est-à-dire, on fait des blagues de cul, des trucs comme ça, mais sans parler de sa sexualité ou de la mienne. Tu vois. Et avec ton papa? Avec mon papa, non. Jamais! Avec tu le parles parent. À l'amour. Alice! Jamais! Tu ne parleras de sexualité. Hein, un petit peu. C'est oui. le mafieux qui vient à La Rochelle. Mon père m'a offert une petite culotte avec un cadenas, mais c'est la seule fois où on en a parlé. Ah putain, justement, Doc, c'était quoi cette fameuse ceinture de chasteté hein, dont on parlait, notamment à l'époque du Moyen-Âge? Tout à fait. Hein, mais c'est-à-dire que les nanas, genre, quand ils partaient à la guerre, ils donnaient à leur meuf une ceinture de chasteté. Voilà, dont eux gardaient la clé. Mais non. Pour être elle sûr se lavait pas fidèle. Alors. Et comment elle faisait pour se laver, pour uriner, tout ça? Il y avait des trous? Ah oui, ça pour uriner, ça passe. Il y a pas de souci, ouais. Mais il y a rien qui rentre. Ah oh, putain, c'est dingue ça. Voilà. Genre, putain, mais c'était ça horrible. Existe toujours hein, dans les sex shops. C'est pour oh, vrai. Cool. Ouais, ça, c'est un délire de certains et certaines. Mais c'était une torture hein, pour les femmes. Ah bah, faut le porter quoi. Mais c'est comme les hommes ont une armure, les femmes ont la ceinture. L'homme est un animal. Ah, vraiment. Je trouve ça honteux. Hein. Franchement, putain, mais ce qu'ils faisaient au Moyen-Âge, ça fait flipper. C'était quoi. Leur propriété. Hein. Heureusement qu'on a un petit à l'époque, peu évolué. Je vous rappelle qu'à l'époque, on considérait que la femme n'avait pas d'âme. Bien sûr. Ah ouais, non, mais heureusement, ça a changé. Hein, c'est ça. Que les animaux en avaient ah ouais, à l'époque. Ouais. Ouais. Ah ouais, voilà. Eh ben. Mesdames, mesdemoiselles, vous êtes les bienvenues sur Fun Radio et vous avez une belle âme et on va accueillir dans un instant Gaëlle, 21 ans de Dijon, qui va venir nous raconter sa double vie sur Internet. T'es là Gaëlle? Salut toute l'équipe, salut Gaëlle. Salut. Bonsoir Gaëlle, t'as une double vie sur Internet toi? Ouais c'est ça, je mène une double vie sur Internet. D'accord, mais t'as une copine et puis t'en as une sur Internet? Ouais en fait ouais, j'ai une copine, ça fait 4 ans et demi que je suis avec, tout se passe super bien et... En fait, je mène une double vie avec d'autres filles sur Internet. Donc ça se passe peut-être pas si bien que ça. On va en parler dans un instant sur Fun Radio. Et dites-nous si vous aussi, vous avez déjà comme ça eu une fille sur Internet et puis une fille dans votre vie. 01 42 48... Oh mais le, Cassim, enfin... On va pas gâcher cette magnifique introduction de Keymotion. C'est vrai. Hein, 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour réagir grâce à notre auditrice du soir aussi, va nous dire si elle a déjà eu ça. Et puis vous tous en direct, vous venez ici avec Keymotion. Shut up and clean your plate. Even though I know what we Keymotion sur Fun Radio. De 22h à minuit, Hello. In. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. 01 42 48 5000. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio si vous venez de débarquer. Alors, Love in Fun, c'est une émission qui a lieu tous les soirs, du dimanche au jeudi, pendant 2 heures. On passe des petits moments avec vous. Hein, on s'installe ici dans le studio. On est plusieurs. J'ai envie de dire, c'est du triolisme tous les soirs. Avec, calmons-nous. Hein. On n'est pas sur du tout la pratique sexuelle. Hein, en tout bien, tout honneur, il y a un médecin qui s'appelle Doc. Bonsoir. Bonsoir, Doc. Bah là, on se pose des questions. Quoi. Il est sexologue. Non, c'est ça. Hein, on se croirait dans un petit club, un petit peu. Il est 2h du matin. Doc arrive dans le petit club. Et Doc dit bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis venu avec ma femme. Bonsoir, et nous aimerions peut-être pratiquer le triolisme. Le triolisme. Vous êtes. Excusez-moi, vous me rappelez quelqu'un que j'ai déjà vu au Journal de la Santé. Vous êtes déjà passé à la télé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Vous êtes médecin peut-être? Tout à fait. Ah, ben voilà, ma femme. Sexologue même. Ah, alors vous devez en connaître un rayon. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez. Vous êtes en train de vous exciter tous les deux, en fait. Hein. Je borde. Ah bon, Kassim? Ah ouais, ouais. Ah, ça a fait border Kassim. Pose-toi des questions, Kassim. Ah putain, merde. Sans déconner. Quelle voix a ta copine? Ouais. Ah, sa copine s'appelle Michel. Hein. Ah bah c'est oui, sûr. La barbe. 01 42 48 5000. Si vous voulez vous sélectionner pour passer votre examen ce soir, l'examen tous les soirs dans l'émission, ça c'est plutôt cool. Hein. On vous offre un diplôme qui sera personnalisé avec votre prénom et puis on vous dira à quel point on est fier de connaître quelqu'un d'aussi intelligent que vous à travers ce diplôme qu'on vous offre au 01 42 48 5000. N'hésitez pas, en attendant on va parler avec Gaël qui vient de nous appeler. Gaël, il mène une double vie. Et là Gaël? Je suis là, ça, toute l'équipe. Ça, salut. À toi aussi. T'as 21 ans et t'es de Dijon. C'est ça. D'accord, c'est ça. Pas loin de chez Coco. Et toi Gaël, qu'est-ce qui se passe dans ta vie là? Bah en fait, donc ça fait 4 ans et demi que je suis avec ma copine, tout se passe bien, je suis super bien avec, on est super épanouis, que ça soit sentimentalement, sexuellement, tout, il n'y a aucun problème là-dessus. Ok, et bah merci d'avoir appelé, à bientôt Gaël, ciao, super, et ça, pour une fois que ça se passe bien, on est content. Ah non, mais vraiment, il n'y a pas de problème, tout va nickel, mais pourtant, il se passe un truc. Il y a un tic, en fait, donc moi je mène une double vie sur Internet. C'est-à-dire que, en fait, tout a commencé, j'étais sur un jeu vidéo, un jeu de téléphone, et puis il y a un chat, et puis je discutais donc avec des personnes qui étaient dans mon clan, et je discutais avec une fille, je sympathisais avec, on a été sur Facebook après, et puis donc on a commencé un peu à se brancher et tout ça, puis après c'est monté un petit peu plus haut en fait. Jusqu'où? On parlait de sexe et tout, et puis on commençait un petit peu à s'envoyer des photos, elle m'a envoyé une photo, elle m'a bien chauffé. Et puis, elle t'a envoyé quoi comme photo? Elle m'a envoyé une photo de elle, les seins nus. Au ouais, début. Ok. Donc topless. Ça a commencé comme ça. Attends, tu devais avoir une gaule de ouf. Tu t'es masturbé ou pas quand tu l'as reçu la photo? Bien énervé. Ouais, ouais, forcément. Et puis, bah voilà, moi j'ai renvoyé une photo de torse nu au début. Torse nu? Oh, c'est bidon ça. Bah, ça dépend de son torse. Je me suis dit, je vais peut-être pas. Enfin voilà, je sais pas trop ce qu'elle attend et tout. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu du tout. Hein. La réciproque pure, torse nu contre torse nu. Et puis après, ben, ça a été plus loin. Elle m'a envoyé des photos d'elle complètement à poil. Je lui ai envoyé des photos de moi complètement à poil. Elle me chauffait par téléphone. J'ai réussi à avoir son numéro et tout. Enfin, ça a été assez loin. Et puis, je me suis pris un petit peu à ce jeu. Et donc, du coup, j'ai continué avec d'autres filles. J'étais sur des sites de rencontres. C'était il y a combien de temps le début de ça? De la première là? Ça fait bientôt, je sais, c'est environ 6 mois. Attends, parce que là tu passes à une autre relation et tout. Avec cette nana dont tu nous parlais, là, échange de torse et tout machin, c'est jamais aller plus loin que des photos et du téléphone, se masturber c'est l'un et l'autre quoi. Ouais. D'accord. T'es resté sur des photos, ben voilà. Elle était d'où la meuf? Elle était d'où? Elle était pas très loin de Dijon, un petit peu là à côté. Et tu l'as Dijon, pas vue? Tu l'as pas vue? Non, non, non. Mais pourquoi? Ça reste virtuel. Parce que, après voilà, vis-à-vis de ma copine qui est pas du tout au courant. J'espère qu'elle écoute pas la radio, mais normalement il y a pas de problème, elle est au lit. Ah non, elle nous appelle. Non, t'inquiète. Et voilà, elle est pas du tout au courant. Et puis, je sais pas. Normalement, je suis pas comme ça. Il y en a eu d'autres alors. Je je me suis pris un petit jeu. Ouais, il y en a eu d'autres et puis ça continue et puis là je suis en train de parler à une autre fille pareil, mais elle est plus loin, elle est de Nancy. Ouais. Et puis c'est pareil quoi, on s'envoie des photos, enfin on se chauffe par téléphone et tout, mais voilà, j'ai jamais rien fait avec une gonzesse autre que ma copine. Mais ça pourrait arriver. Ah bah là, t'en prends un risque quand même. Enfin, il y a un moment donné à se chauffer comme ça. Il peut y en avoir une un jour où là j'ai trop envie. Qu'est-ce que je fais? Bah ouais. Qu'est-ce que tu feras? Bah voilà, c'est la question que je sais pas. Je pense pas vis-à-vis de ma copine. Enfin, je veux dire, ça se fait pas. Je sais pas si je pourrais. Non, attends, Gaël. Gaël, excuse-moi, mais quand tu dis ça se fait pas, enfin, t'as déjà tout fait quoi. Non. Ouais, je sais, mais je veux dire, je suis pas passé à l'acte vraiment. Non, non. L'activité fantasmatique est une activité fantasmatique. Mais qu'est-ce que c'est, oui. J'envoie une photo de ma c'est virtuel. C'est du virtuel. C'est du virtuel. Un contact physique, ouais, c'est un contact physique. Là, il y a pas de contact physique. Il y a des gens qui sont en couple uniquement comme ça, qui ont ce genre de relations relations virtuelles et qui sont en couple comme ça. Il y a quand même des sentiments, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en couple quand on ne s'est jamais rencontré? Il y a des personnes qui sont en couple et qui ne se sont jamais rencontrées. Tant qu'on a le projet de se rencontrer un jour, il y a des gens qui ont passé un an et demi à s'écrire, à s'appeler. Mais là, il n'y a pas ça. Là, il n'y a pas de projet de se rencontrer. Mais il y a quand même. Donc, ça reste du virtuel. Mais il y a quand même sa copine, si elle tombe là-dessus, sur des photos de lui à poil, des trucs, elle va forcément mal le prendre. Ça, on est d'accord. Ça, on est tout à fait d'accord. Il a tout fait hormis la rencontre. Ah, bah là, c'est sûr. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire, en fait. Si je continue mon. Bah, on voit bien que tu te poses la question déjà, quand même. Ce jeu. Est-ce qu'on continue à prendre le risque? Gaël, on a compris ta question. Et est-ce que le risque, finalement, c'est pas que tu finisses par la tromper, en fait? C'est ça que tu risques. Juste ça. C'est qu'effectivement, au bout d'un moment, tu finiras par en avoir marre de te branler sur une photo et tu voudras la pénétrer. Voilà ce qui va se passer, quoi. C'est tout. Ou le désir va être plus fort. Bon, voilà. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Alors, il y a une solution. C'est vraiment d'être clair, toi, avec ce que tu fais. C'est-à-dire, OK. Très bien, mais jamais, jamais, jamais de rencontre. Alice, pour toi, il l'a trompée ou pas sa copine? Je pense pas que, enfin, je me pose pas vraiment la question de savoir si c'est une tromperie ou pas, mais pourquoi tu fais ça, tu vois? Et j'ai la sensation que t'aimes bien ce jeu de séduction, te sentir désiré. En fait, c'est le jeu de séduction. Ta copine? Tu vois, parce que moi, j'ai déjà été en couple avec des mecs où même si on était ensemble, qu'on vivait ensemble, les moments où on se voyait pas, bah, la journée, on se chauffait, on s'envoyait des photos. Est-ce que ce serait peut-être pas ça la clé de ton histoire? C'est de réussir. Il y avait plus sur le début, maintenant, un petit peu moins. Je dirais pas que c'est la routine, mais il y a moins ce jeu de séduction avec ma copine. C'est peut-être ça que tu devrais retrouver avec elle. Essaye de, tu vois, la même façon dont tu dragues ces filles-là, essaye de faire pareil avec ta copine. T'as l'air d'être hyper rodée, de savoir comment faire pour recevoir facilement des photos de boobs et de meufs à poil. Eh ben, joue ce jeu-là avec ta copine. Peut-être que ça va t'exciter, ça va, tu vois, quand vous êtes pas ensemble, vous envoyez des photos, des textos un peu hot, des trucs comme ça, qui font que, tu vas plus avoir cette routine. Et ce que tu kiffes dans ces relations virtuelles, tu vas le retrouver avec ta meuf, avec qui t'es depuis 4 ans et demi, avec qui tout va bien, comme tu nous as dit, donc ça serait bête de la perdre pour si peu. Oui. Bah oui. Après, il y a deux autres choses. Il y a aussi mettre du piquant dans le couple. Alors c'est une façon, virtuellement avec elle. Et puis toutes les autres façons aussi de remettre du piquant dans le couple, mais dans le couple, voilà, avec ta copine, parce que ça peut suffire au fait que tu n'aies plus besoin d'aller voir ailleurs. Et puis avec du temps. Et puis ensuite, il y a cette envie de séduire, ça faut savoir que de toute façon ça reste toute la vie. Mais c'est qu'est-ce qu'on en fait? On a toujours envie de séduire, même si on est avec quelqu'un depuis très longtemps. Bah oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir un regard, ça fait toujours plaisir de s'avancer, d'être dragué, de se faire draguer. Mais bien sûr. Mais jusqu'où? Parce que si tu ne mets pas de limite, le jeu de séduction et de drague, jusqu'où il va aller? Et qu'est-ce qu'on va chercher? Ça peut être un puits sans fond, le jeu de séduction. Voilà. Jusqu'à mettre en danger son couple. Ah, plein de bons conseils, Gaëlle. Grâce, qu'est-ce qu'elle en pense, notre auditrice du soir? Attends, c'est génial. Grâce? Oui. Ouais, tu écoutais ou pas ce qui se passait là? Je sais pas, Putain, mais que vous aimiez ou que vous aimiez. On dirait qu'elle est complètement bourrée. C'est Grâce, en une heure et quart, elle a son troisième ricard. Alors, ça va, Grâce? Je reviens des vacances. Ah ouais, non, mais Grâce, t'as bu, là? J'ai l'impression qu'elle a bu. Coco, vérifie la santé de Grace. Et vérifie surtout qu'elle ne sorte pas de chez elle ce soir. Gaëlle, on a fait le tour. Je pense avec toute l'équipe. T'es pas le seul à avoir fait ça moi-même. Je l'ai fait. Et j'en suis pas fier. Et j'aime autant te dire que c'est le début de la fin quand tu fais ça. Hein? Si vraiment tu veux préserver ta relation, pense surtout à ta copine. D'accord? Ok, ça marche. Non, je vais y songer, je vais me poser les bonnes questions et puis je vais suivre surtout vos conseils. Et essaye de t'amuser davantage avec elle. Je vais te dire, le dernier qui a fait ça, c'est Coco du Standard et il est en train de perdre sa meuf. Hein, Coco? Attends, je suis en train de régler un souci, je suis en train de faire un alcotest rapidement. Ouais, c'est ça, ouais. Et je m'occupe de vous. Non, parce que j'étais en train de dire que voilà, Gaëlle, il commence à fauter et tout par rapport à sa copine. T'es un peu comme ça, toi, Coco. Je disais, Coco, il est en train de le faire, quoi. Elle ment pas, m'arrête de dire, elle écoute en plus à cette heure-là. Il y a plein d'auditrices qui t'envoient des messages, toi, tu chattes. Je t'avais dit, Cassim, il m'en veut depuis la doute story, il m'en veut, tu vois. Pas du tout. Coco, il mange pas de ce pain-là. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Attention. Je veux pas entendre parler de ces histoires-là au Standard. Non. Par contre, j'ai bouffé la mie pendant une paire d'années. Et pas depuis que j'avais caissé. Gaël, on te fait une grosse bise. Pense à ta chérie, surtout. Ça marche. Et ben moi aussi, je vous embrasse. Salut. Dans un instant, on va jouer avec l'exam et on va revenir avec ça. Black Coffee Drive, à tout de suite. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Oui, allô? Bonjour Ludivine. Bonjour Bruno. Eh ben voilà, allez hop. 299,98 €, ça correspond à quoi? Un canapé qu'on vient de s'acheter puisque mes filles n'aimaient pas l'ancien. C'est pas toi qui as sorti cette excuse pour changer un peu ta déco? Oui, on... Ludivine, je te paye ton canapé d'angle. Je vous remercie. Le matin, vous mettez un baume au cœur, vous pouvez pas vous l'imaginer. Donc merci beaucoup la famille, c'est génial. Voilà, continuez comme ça. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Je m'appelle Alice. Je suis victime de violences conjugales, mais j'ai décidé de m'en sortir. Ça n'a pas été facile. J'ai même beaucoup hésité. J'ai même cru que c'était de ma faute et que ça allait s'arranger. Mais là, c'est fini. Lui seul est responsable. Je vais le faire pour mes enfants et cette fois-ci, rien ne m'arrêtera. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler le 3919 et de choisir la vie. Retrouvez mon histoire sur solidaritéfemmes.org. Solidarité Femmes et Grande Cause Nationale 2018. Faites un don. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW par des spécialistes. BMW Service, des experts passionnés au service de votre BMW. Et jusqu'au 14 décembre, profitez de tarifs préférentiels si votre BMW a plus de 5 ans et de 50 € de remise supplémentaire pour tout rendez-vous en ligne. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés BMW participant à l'opération. Détails sur bmw.fr. Tous les soirs, 22h minuit. Love in Fun. Sur Fun Radio. I can't go fast enough to break free from the bond of your love. And I ain't been strong enough to let go and let God. I can't see clear enough to look past the dust you left behind. And I can't get high enough forget why I cry. So I'm not afraid to die. Ça c'est énorme, hein. Black Coffee avec Drive sur Fun Radio. Interro surprise. Passe ton examen dans Lovin Fun sur Fun Radio. Tous les soirs, un nouveau diplôme à rafler en participant à l'examen de Lovin Fun. Alors c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer, puisqu'on a reçu un coup de téléphone d'Emmanuel Macron, hein, donc le président de la République. Alors on ne sait pas trop si c'était un de ses assistants ou si c'était lui, mais paraît-il qu'il aimerait que le diplôme de l'émission soit reconnu d'utilité publique. Oui, mais il nous a proposé des fonds carrément pour ouvrir une école en faisant passer le diplôme de l'examen. Mais bon, on n'est pas dans la politique. On sent que ça nous concerne pas vraiment. Un divertissement pour nous. Ouais, voilà, on veut pas se prendre au sérieux. Donc, Manu, si tu nous écoutes, la proposition est sympathique. Ah oui, merci beaucoup quand même. Merci beaucoup, mais on ne l'acceptera pas. On veut rester dans la simplicité avec vous tous, vous toutes. Et ce soir, je vous demande d'accueillir et d'applaudir chaleureusement Antonin, 20 ans de Cholet, notre premier candidat. Ah, bonsoir Antonin. Salut tout le monde. Bonsoir. Salut. Bonsoir Antonin. Et Amandine, 21 ans de Nice. Bonsoir Amandine. Ça va Amandine? Ça fait trop plaisir, ouais, carrément. Ouais, j'espère que tu vas gagner Amandine. Allez. Bah ouais, non, il faut forcément. On croise les doigts. Eh ben, on croise les doigts et pas que. Antonin, ce soir, c'est la ville de Cholet qui va affronter la ville de Nice, représentée par Amandine. Antonin, tu vas devoir buzzer pour donner ta réponse. Quel sera ton buzzer? Hélicoptère. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire l'hélicoptère avec ma bite. Ah, en voilà une belle raison. Et il y en a qui lèvent les yeux au ciel. Bon, enfin, mais quelle idée. Amandine, quel sera ton buzzer, toi? 550 jours. Ah, mais parce que toi aussi, comme Méloche, t'as pas fait l'amour depuis 550 non, jours? Non, moi, ça va. Ah, mais toi, tout va bien. C'est quand la dernière fois que t'as fait l'amour, toi? Ça fait 2 jours. Quelle ouais, en plus. Quelle position? Quelle position? Ouais. Bah à la base, les missionnaires, la levrette, tout ça. Tout ça, et ça s'est fini comment cette affaire? C'est-à-dire? Ah, je sais pas. La position? Ouais, la fin, la finalité. En levrette. Eh ben voilà. Amandine, il y en a qui s'éclatent et qui passent des bons week-ends comme toi, ça fait plaisir. Et Antonin, t'as une copine toi? Ah oui. Ah ouais, ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça fait 3 ans. Et t'as déjà fait l'hélicoptère avec ta bite devant elle? Ah bah tous les jours. Ah, tu sais qu'il y a un jeu qu'Assim adore faire avec sa copine, c'est qu'il fout cet homme entre ses jambes, mais après il fait croire qu'il a un vagin. Ouais. C'est horrible ça. Et après je fais les ciseaux avec elle, et après c'est comme si on était des goudous. Putain, mais qui est con celui-là. Allez, c'est parti pour un nouvel examen. On y va avec 10 questions. La première question. Combien? Je rappelle que les questions sont sur l'émission, parlent de sexualité et pas que. Il y a aussi des petites questions de culture générale, parfois même de mathématiques. On y va. Combien de spermatozoïdes sont éjaculés en moyenne par l'homme durant toute sa vie? 3 propositions. 1 milliard, 50 milliards ou 500 milliards? Hélicoptère. Oui, Antonin. 500 milliards. 500 milliards, c'est une très bonne réponse. Bravo, Antonin. Amandine, il va falloir être plus rapide. Ouais. En même temps, t'as pas choisi un buzzer facile. Ah non, 500, tu t'es pas aidé. Hein. 550 jours. Tu peux changer si tu veux. Tu veux changer, Amandine? Est-ce que je peux juste dire jour? Oui. À 10 jours. Ok, alors. Vas-y. Dis ce que tu veux. Vas-y. Ok. Ok, c'est parti. Nouvelle question. Avant de devenir médecin, Doc était matelot sur un bateau, équipier au McDo ou huissier de justice? Jour. Hélicoptère. Ouais, Amandine. Huissier de justice. Pas du tout. Ah, ça marque. Hein. Antonin. Équipier chez McDo. Oui. Et Doc a travaillé chez McDo. Oui, enfin c'était fast food, c'était pas McDo la marque. Oh, ça va, mais Doc, bon, c'est fast food. Oh là là, il est pointilleux. Ah, il était pointilleux. Hein. T'aurais dû être un huissier quand on est huissier. Bien sûr. Et ben voilà. Et ça, il veut pas le dire, mais je peux vous assurer qu'il a également été matelot sur un bateau. Ouais. On aurait pu accéder. Bon, c'est peut-être pour la retraite. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire Costa Concordia, là, je sais plus quoi. Hein, Doc, il était pour quelque chose. Je peux vous assurer. Hein. Il a pas fait demi-tour hein, pour aller les chercher. Alors, quelle est donc la capitale du Canada? Jour. Oui. Oui, Amandine. J'ai pas la réponse. Antonin. C'est pareil. La capitale du Canada, c'est Ottawa. Ah. Ouais. Vous le saviez pas ça. Hein. Eh non. Eh ben moi non plus. Non. Combien font 9 x 3 moins 7 ? Hélicoptère. Ouais, Antonin. 20. Bravo, Antonin. Nouvelle question. Pile ou face ? Face. Jour. Oui, Amandine. Pile. Eh non, c'était face. Antonin, tu dis quoi ? Bah, face. Et tu dis face, c'était face. Bravo. Ah, mais je suis désolé, c'était marqué face. C'est une question de merde. Ah, bah, il y a tout type de questions. Citez-moi un artiste qui ne passe pas sur Fun Radio. Jour. Oui, Amandine. Louane. Est-ce que Louane est passée sur Fun Radio ? Oui, elle est déjà passée sur Fun Radio, mais pas actuellement. Elle est passée parce qu'il me semble qu'elle avait fait un duo avec Clean Bandit à l'époque. Non, il n'y avait pas un délire comme ça, elle était passée avec The Chainsmokers. Ah, The Chainsmokers, ouais. Exactement. Absolument. Donc, ah ouais, je me suis gouré. Elle ne passe pas sur Fun Radio actuellement. Ah oui. Donc on valide cette réponse. Bravo Amandine. Il y avait également Edith Piaf, Faudel. Ouais. Qu'est-ce qui il est devenu quoi Faudel ? Hein ? Il a ouvert un kebab à Colombe. Eh ben voilà. Mais c'est vrai. C'est une vanne de merde. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Non, il est ouvert. C'est vrai, c'est vrai. D'accord. Il fait du salade tomate oignon comme personne. Quoi. Ah bah voilà, et il a une belle sauce blanche. Trio, Lame, Serge Lama, Alain Trio, Souchon, ouais. Entre autres, ne passe pas sur Fun Radio. Nouvelle question. Mais d'abord, on fait un petit récap des points avec Alice. Alors, 4 pour Antonin et un seul point pour Amandine. Amandine, il reste suffisamment de questions pour revenir à égalité. Je compte sur toi. Sur 100 femmes. Sur 100 femmes de plus de 80 ans. Combien en pourcentage ont encore des rapports sexuels ? 3 propositions. 10%, 30%, 50%. Jour. Hélicoptère. Amandine. 30%. Bravo Amandine. On continue. Les fourmis pratiquent l'éjaculation faciale. Vrai ou faux ? Jour. Oui Amandine. Hélicoptère. Faux. Bravo Amandine. Ouais. Épeler le mot phallus. Jour. Oui Amandine. P-H-A-L-U-S. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Antonin. F-A-L-U-S. Oh, n'importe quoi. Phallus avec un F. Ah. Oui, Amandine. P-H-A-L-U-S. Oui, c'est plus facile avec Google. Je te l'accorde, Amandine, mais ça... Je n'ai pas Google. Ah non, on ne peut pas lui donner. Oui, non, mais ça ne marche pas. Il n'y a qu'une seule proposition. Effectivement, phallus écrit P-H-A-2-L-U-S. Phallus, qu'est-ce qu'un phallus, Doc ? Oh, c'est un sexe chez les Grecs. C'est un mot grec à la base, je crois, phallus. Bien sûr, tout phallus, phallus, phallus. Dixième et dernière question. Au Japon, quelle est la devise ? Hélicoptère. Oui ? Le yen, bien sûr. Vous aviez le choix entre le yin, le yen ou le yang, mais j'avais. Ah bah oui, Amandine. Ah bah c'est un échec. Je suis désolé. C'est une victoire d'Antonin ce soir. Bravo. Ah, cache ta joie, Antonin. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Non mais forcément. J'imagine que t'es un petit peu sous le coup de l'émotion. Les larmes commencent à perler sur tes joues. Comment? Ah, t'es dans l'émotion là. T'as les larmes aux yeux, mon salaud. Hein. Oui. Bah oui. Il a du mal à parler, forcément. Ça y est. Ça y est, tu l'as, ton diplôme, Antonin. On va te l'envoyer à la maison. Amandine, je suis désolée, ma chérie, tu redoubles. Ah, je suis deg. Bah ouais, je sais bien. Tu le voulais, toi aussi, ton diplôme. Alors, ouais. Tu peux le repasser quand tu veux. Mais tu oui. Vois hein, ici, quand on rate, y a pas. Tu refais 3 heures de conduite pour l'auto-école, pour les rincer. Hein, non, toi, tu reviens quand tu veux, Amandine, d'accord ? Ok, ça marche. On t'embrasse fort. Merci Est-ce d'avoir que appelé. Je vais faire une petite dédicace à Audrey. Ouais, ma collègue. Ouais. Mon ancienne collègue, on vous a écouté pendant un an en fait tous les soirs et du coup voilà. Eh ben merci beaucoup. Bisous et à mes amis aussi qui m'écoutent. Vous nous écoutiez où alors toutes les deux ? Dans 77. D'accord. Mais t'étais tout le temps avec elle tous les soirs ? Ouais. D'accord. Vous faisiez quoi toutes les deux ? On faisait des pizzas. Ok, et ben voilà, on salue les pizzaiolo qui nous écoutent peut-être aussi aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Amandine, gros bisous. Bisous, merci de ta bisous, bonne soirée. Salut. Antonin, tu reviens quand tu veux. Hein. Ok, pas de soucis. Salut Ménéor, salut Cholet. Ciao Antonin. Ciao. Ciao, bisous, et on va accueillir Mila. Bonsoir Mila. Bonsoir Mila. Salut. T'as 21 ans et t'es de Bordeaux. C'est ça, exactement. T'appelles pourquoi Mila ? Bah, j'appelle parce qu'en fait j'ai peur d'avoir une fissure anale. Ok,

face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I will be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day, it's a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me and don't you ever go. I've seen it on TV, I know. See your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I will be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day, it's a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me and don't you ever go. I've seen it on TV. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio, je m'appelle Karel, Doc est là. Bonsoir. Alice est là également, Kassim le reproducteur. Ouais. Kassim, alors on a vérifié ton info de tout à l'heure concernant Faudel et l'ouverture d'une sandwicherie. Un kebab à Colombes. Un kebab à Colombes. Alors, a priori, l'info est fausse. Ah bon? Oui. Ah bah, c'est ce que j'ai regardé. On a regardé, il n'y a pas de kebab créé par Faudel à Colombes. Non, il fait plein de morceaux, il joue dans tout le Maghreb. Il a un peu du mal à revenir en France, mais on ne s'aperçoit pas. C'est les critiques qui disent ça. Bien sûr. Il est plus tendre là à l'antenne qu'en antenne. Hein. Il disait pas ça tout à l'heure, Doc. Hein. Ah bon? Il disait Faudel, il galère, il fait des titres de merde et ça prend pas. Ah ouais! Ah, le voilà le vrai Doc! Ah, le voilà! Hein, comment elle travestit ma pensée? Bien sûr, on est très heureux d'être avec vous. J'espère que vous passez une bonne soirée. Pour la plupart d'entre vous, enfin, je dis pour la plupart, mais j'en sais rien. Hein, mais je sais qu'il y en a une bonne partie en tout cas qui est en vacances. D'ailleurs, on vous a posté un petit sondage sur Instagram. On vous a demandé si vous étiez en vacances ou pas du tout. Et on est sur du 50-50, Alice. Hein. Alors, je vais aller vérifier de ce pas. C'est sur l'Instagram de Love in Fun. Alors, attendez. Je n'y suis pas encore. On est à 42% des personnes qui ont répondu au sondage sont en vacances et 58% ont répondu pas moi avec un gros fuck. Voilà. On vous souhaite bon courage à vous et pour les autres, vous pouvez nous écouter jusqu'à minuit, la grosse grasse matinée qui vous attend demain matin. Et on va parler fissure anale. Parce que c'est important d'en parler. Je vois qu'il y en a certains ici qui ont déjà connu ce problème de fissure anale. Hein. Ça fait mal au cul, comme on dit. Mila est avec nous. Bonsoir, Mila. Bonsoir, tout le monde. Salut. Bonsoir, Mila. T'as 21 ans, t'es de Bordeaux. C'est ça. Bon, et tu nous appelles parce que ton mec a une grosse bite. Voilà, du coup, c'est ça. Mon mec a une grosse bite. Alors, ça fait quelques temps qu'on est ensemble. Combien de temps? 3 ans. Tout se passe bien. Niveau sexuel, il y a rien à dire. Niveau vaginal, franchement, du coup, je prends mon pied parce que vraiment, il a un bel engin, quoi, on va dire. Et du coup, par contre, ça fait quelques mois qu'il insiste pour passer par le cul, hein, pour faire la sodomie. L'entrée des artistes. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, je suis un peu réticente par rapport à ça parce que concrètement, vu le machin, clairement, ça me fait peur en fait. Parce que je me dis, mais

qui s'appelle tout simplement Relax. Relax. Voilà. Ou spray anal. Ça dépend des sections. Il y a un slogan. Le spray qui détend ton cul. Regarde sur internet spray anal ou Relax. Okay. C'est des sprays de produits qui vont détendre un peu le muscle du sphincter anal en plus de l'anesthésier très très légèrement et de le chauffer. Un collab, doc. Et voilà. Et ça marche. Faut laisser 2-3 minutes pour que ça fonctionne. Et après, en général, ça se passe bien. Eh ben voilà. T'as un milliard. Ouais, et puis, et alors, surtout... Ça fait un tuto sodo, là. On va pouvoir le faire en vidéo. Dis donc, doc, tu dépasses les limites, là. Hein? Alors, doc, va aller plus loin. Non, mais c'est bien, doc. Non, mais t'as raison. Faut aller plus loin dans cette émission. Et donc, tu nous feras un petit tuto en vidéo. Voilà. Et j'allais conclure en te disant, si jamais tu as mal à n'importe quel moment, faut arrêter. Hein, on continue pas, on force tu pètes, pas. Tu pètes. C'est pas grave, tu dis ok, attends, j'ai mal, tu sors. Non, okay. Tu pètes. Et on y retourne plus tard s'il faut, mais ou le lendemain ou une autre fois, c'est pas très grave. Hein. Si okay, ça marche ouais, pas après, du premier coup, c'est pas très grave. D'accord ? Ok, ouais, ça marche, ok, super. Voilà, ça fera 77 euros mieux. Hein ? Et on te remercie. Bah oui, bah je vous rappelle si jamais c'est fait. Bah c'est gratuit, hein. Je le dis parce qu'il y a la team premier degré qui va dire oh putain, Fun, ils font payer, dis donc maintenant. Hein? Non, c'est gratuit. Non, bah merci beaucoup. Et bah je t'en prie, Mila, et n'hésite pas à nous rappeler pour nous raconter comment s'est passé. C'est 1, 2, 3, puis 4 doigts dans les fesses. D'accord, Mila? Avec plaisir, ça marche, merci beaucoup. Gros bisous, Mila, bisous. Et on va terminer avec une question à la con. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Eugénie! Bonsoir Eugénie! Salut. Ça va les gars? Ça va Karel, Alice, Doc, ça va? Oui. Eugénie! Bonsoir Eugénie! Tu as 22 ans et tu nous appelles exact. De Tours. Ouais. Eugénie, quelle est ta question à la con? Ma question à la con, c'est est-ce qu'avec une mycose, on peut faire une omelette? Est-ce qu'avec une mycose, on peut faire une omelette? Alors oui, mais l'omelette est-elle comestible, Doc? Si tu mets tes champignons... Alors, quelle mycose? Parce qu'il y a un type de champignons... Ah bah non, mais la mycose vaginale. Sinon, la mycose. Elle se râpe moins bien que la mycose au pied. Ah bah oui, si je peux me permettre. Bah, tu peux toujours essayer de mettre des œufs dessus, si tu veux, pour les récupérer, puis ensuite tu les fais cuire. Mais non, je ne te conseille pas. Merci Eugénie. De rien, j'ai une dernière question à te poser, Karel. Oui, bien sûr. Est-ce que si demain je te pose la question, est-ce que je peux être auditrice du soir, qu'est-ce que tu me réponds? Je te réponds non. Je te réponds non, bien sûr. Parce que t'as des mycoses. Eugénie, évidemment, je te réponds bien oui, sûr. Avec grand plaisir Eugénie, ça fait vraiment plaisir. En plus, j'adore ton prénom. Eh ben, c'est très gentil, je vous écoute tous les soirs depuis des années. Mon petit frère qui est parti d'une grosse maladie en 2014 écoutait Bruno dans la radio depuis ses départs. Donc c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Je vous écoute tous les dimanches soirs quand je fais la route parce que je fais plus de 450 km tous les vendredis et tous les dimanches. Donc je vous écoute tous les vendredis et du lundi au jeudi, je vous écoute sur mon téléphone avec l'appli et je vous adore, vous êtes géniaux et vous êtes top. Continuez ouais, comme ça. T'es trop gentil, Eugénie. Merci. Merci beaucoup Eugénie, on t'embrasse très fort, on te retrouve demain alors à 22h. À demain, de bonne heure. Gros bisous Eugénie. Sinon c'est pas drôle. Oui. On se retrouve demain de bonne heure et de bonne humeur, sinon c'est pas drôle. Eh ben bien sûr, gros bisous Eugénie, merci bisous. Beaucoup d'avoir appelé. Bisous. Merci à vous. Salut ma chérie. Et c'est Grâce, notre auditrice du soir, qui va terminer l'émission. Grâce, tu sais, c'est le fameux moment dont je t'ai parlé tout à l'heure au téléphone. Celui où tu peux te lâcher, là, maintenant. Tu peux dire ce que tu veux. Si t'as envie de faire une déclaration d'amour à ton homme, tu peux y aller. Si t'as envie de dire fuck, hein, de lâcher un gros fuck à tous ceux que tu supportes pas, tu peux aussi, Grâce. Tu fais ce que tu veux, c'est ton émission. Mais il saura dire que ce que j'ai à lui dire. Et c'est magnifique. Après, merde. Et puis bon, faites tout ce que vous avez tous envie de vous faire. Amusez-vous et faites-vous plaisir. Alors ça c'est Grâce. Mais alors Grâce, c'est marrant parce que au début de l'émission, elle était tranquille. Et maintenant, elle a 3 grammes. Grâce. Je sais pas si c'est ça l'effet Love on in Fun. On comprend plus rien. Mais on ne comprend plus rien. Non mais c'est génial. Je trouve que le concept est super. C'est tu as quelqu'un à 22h et 2h plus tard, c'est déjà une personne différente. Bon, il y a quand même un message qu'elle a fait passer. C'est mon chéri saura tout ce que j'ai à lui dire et amusez-vous dans la vie, faites ce que vous avez envie de faire. Je crois que le message est à peu près ça. Oh, ça c'était clair. Et ben voilà, et ben merci beaucoup pour cette soirée. Merci à tout le monde et on se retrouve dès demain sur Fun Radio. On sera là à 22h avec Eugénie qui sera notre auditrice du soir et il est dans les studios. Oui. Bonsoir Miko. Bonsoir Karel. Alors c'est vrai parce que j'ai mis parler de Miko, enfin la transition est pourrie. Ah non, tu veux que je te fasse une transition de ouf? Putain, j'ai entendu le mix de Mikosé dans Bruno dans la radio, la spéciale année 90. Et mec, il n'y a pas meilleur que toi, hein. Je te le dis. Ouais, franchement, les Spice Girls, tout ça là, ça m'a valu quelques nuits blanches. Donc, Ah non, mais vraiment, on peut réécouter ça quelque part ou pas? Oui, podcast, internet, YouTube, tout ça, c'est dispo évidemment. Ah bah voilà. Arrête de prendre ta voix de beau gosse là. C'est la voix de mec qui n'a pas dormi. vous tournez beaucoup, hein. Hein, les DJ Fun Radio là. Bah oui, t'étais où ce week-end? J'étais dans le 63, à côté de Clermont-Ferrand, à Marsa. D'accord, et c'était une belle soirée? C'est une chouette soirée. Et vu que c'était les vacances dans cette région, effectivement, ce matin, dans le train du retour, il y avait du monde. Des enfants en bas âge, très. Donc t'as pas dormi? Très content, oui, c'est ça. Et tu détestes les enfants? je les ai détestés pendant le trajet, oui, c'est clair, je te confirme. Et bien, vous passez le début de la nuit là, avec Miko C, Party Fun jusqu'à 1h du mat, et Party Fun Deep, comme tous les dimanches soirs. Très deep. Bisous. Salut, à demain. Bisous. Ciao. Salut. À demain. Ladies and gentlemen, welcome. Feel this sensation. The deep. The party. The fun. Come on and feel it. Try it. Come on and live it. Party Fun Deep with Miko C. Ah bah voilà, comme tous les dimanches soirs, 0h02, c'est en direct, Party Fun Deep, saison 4, épisode 9. Bonne fin de week-end les amis, bonnes vacances. Jusqu'à plus d'une heure du matin, je mixe vos sons Deep House préférés. Vous les choisissez avec moi en direct avec le hashtag Party Fun sur Twitter. Le mail miko@funradio.fr. Aslove, The Avener ou encore Armin van Buuren, c'est le programme du premier quart d'heure de Party Fun Deep. Et un petit remix de Clean Bandit pour démarrer l'émission avec Solo. Je m'appelle Miko C, je mixe Party Fun Deep. Bienvenue. Welcome on board. Can't take no more. Really wanna know if you're someone new.